Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Simon Dubois. Encore une fois, merci d'être passé. Ça fut très agréable de te recevoir dans la boutique de Papa Cassette. PapaCassette.com. Ouh! Rétro Nouveau. Cette semaine à Rétro Nouveau, on vous parle de Centipede Infestation, Assassin's Creed 3 Liberation et des jeux rétro qui méritent une suite. Oh yeah! Puis je bois de la bière sans alcool. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 39e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, homme? Ça va, toi? Ben oui! Yeah! Hey, on devrait commencer ça direct. On a reçu du courrier, je pense. On a reçu du courrier. On va y aller avec Frédéric Vielle ouais. qui dit... Un instant. J'écoute présentement l'épisode 38 et vous dites que votre bandwidth a augmenté depuis peu. Je me suis senti concerné car j'ai téléchargé vos podcasts numéro 30 à 37 dans la même journée. Je vous écoute au travail avec mes écouteurs. Votre podcast est très intéressant, différent des autres que j'ai écoutés. Je suis du genre à écouter des podcasts en ligne de zéro jusqu'à la fin. Wow! Il dit qu'il l'a fait avec Radio Talbot, les 240 émissions d'une traite. Hey. Donc, c'est quelque chose. Vous êtes pas mal les seuls dans ce que j'ai écouté à date qui parle beaucoup de jeux PlayStation 3. Et je crois bien que je vais écouter tous vos podcasts. Un amateur de PlayStation cool. 3. Mais merci. J'ai téléchargé les épisodes numéro 1 à 12 et je compte bien télécharger l'intégralité de tous vos épisodes. Donc, votre bandwidth devrait augmenter. Désolé. Bravo à vous deux pour votre excellent travail. Et en passant, j'ai deux questions. Oui. Vous parlez souvent du jeu Vanquish. Qu'est-ce qui fait que vous aimez ce jeu? Et si j'ai beaucoup aimé Mass Effect 2, environ 90 heures de jeu en solo, est-ce que je devrais aimer Vanquish? C'est deux jeux complètement différents, à vrai dire. Mass Effect est beaucoup plus axé sur les décisions, la stratégie. Il y a un côté action, mais Vanquish, c'est vraiment... C'est un... tout le contraire. C'est action, le contraire. C'est pas action, de stratégie. Action, action, action. C'est ça, il n'y a pratiquement aucune stratégie. Puis c'est juste un run and gun vraiment puissant et épique. Là. Ah, totalement. Puis, mais t'en auras pas pour 90 heures, par exemple. Non. C'est un jeu qui est quand même assez cool. Là. Je pense une vingtaine d'heures. C'est une expérience intense. Non, c'est même pas une vingtaine pas d'heures. Ça prend 7 heures finir Vanquish. Okay. Puis Vanquish, moi je trouve que c'est comme boire à peu près 20 Red Bull en une minute. Ouais, c'est ça. Là. C'est vraiment intense. Fait que... Puis moi qui n'ai pas un jeu tant que ça de fusil, next-gen, whatever, oui. Mais déjà que c'est un third person, moi j'aime beaucoup mieux ça que oui. les first. En first, je suis vraiment pourri. Puis c'est un jeu que moi j'ai vraiment apprécié parce qu'il est linéaire. Ça me tentait oui. pas de niaiser. Oui. Parce que le personnage est cool, parce que tout est tellement hardcore. Oui. L'environnement, le gars lui-même, tout est génial. T'sais, j'ai embarqué quand même assez rapidement. Puis, je suis pas facile à embarquer d'habitude dans ce c'est genre vrai. De jeu-là. Fait que, c'est vrai moi, que dans c'est Next Gen, tout c'est tout plus dur pour toi. Pour moi, c'est ça, parce que moi, je suis bizarre. T'es pas pas qu'à ça. C'est ça. Donc, écoute, c'est comme un quick fix là, d'action. Ouais. Là. Tu vas aimer ça. En plus, il est disponible maintenant sur le PlayStation Store. Network. Ouais. Puis, ben franchement, c'est ça. 20$ pour Vanquish, c'est vraiment un bon prix. Là. C'est un excellent jeu. Vas-y. Deuxième question qu'il y avait dans le spécial Double Dragon concernant Double Dragon Néon. Bruno parle qu'il faut dodger et que c'est très important si on veut passer le jeu. En quoi ça consiste au juste? Quand j'ai joué hier soir, je n'ai pas compris. Je crois qu'il faut appuyer sur L1, mais ça ne faisait rien de spécial. C'est parce qu'il faut que tu aies le bon timing pour le faire, sinon ça ne fonctionne pas. Ouais. Tout est une question de timing pour le dodging. Puis moi, je te conseille fortement de recommencer le tutoriel qui est au début du jeu. Repars le premier niveau, puis tu vas pouvoir apprendre à dodger comme du monde. Parce que moi aussi, ça m'a pris une couple de coups avant de réussir. Mais mm-hmm. une fois que tu réussis à dodger, sérieusement, là, tu peux devenir le dieu de ce jeu-là. Ben, tu vois, moi, je dodge jamais. Là, je suis rendu au boss de fin. Parce que je réussis pas... Tu sais, je me suis tanné avant de réussir à me timer. Puis chaque personnage a ses moves. Donc, chaque personnage, il faut que tu apprennes un petit peu ses moves de dodgeage, tu sais. Fait que j'ai comme skippé tout ça. Là. Mais les fameux mais geishas, ça doit, là, ça... qui pichent des couteaux, là. Ouais. Si tu dodges, man, c'est tellement facile. Là. Ah, ça doit. Hein. Moi, je l'ai fait à mi-temps. C'est super long. Coup de pied en arrière de la tête, là. Puis ça exact. Prend full de temps. C'est parce que quand tu dodges aussi, puis que tu réussis, t'as comme un dragon power. C'est ça, qui ça te booste ton attaque. Booster. Fait que là, tu sais, en un coup de poing, tu détruis quasiment le bonhomme au complet. Absolument, absolument. Fait que c'est ça qu'il faut faire, mon cher Fred. Alors, il me dit, merci beaucoup, un de vos fans, Fred. Fait que j'ai vu qu'il y en a plusieurs, ben quelques-uns fans, des nouveaux fans qui ont téléchargé tous nos épisodes. Fait que ouais, c'est, cool. C'est, ben, c'est très cool. C'est ça qui a donné un coup aussi dans le Ben Witt, rencontre. Mais écoutez, allez-y, les épisodes ben sont oui. là pour ça, puis nous merci. Autres, on est très contents. Deuxième courrier de Kevin Doré Poudrier. Yep. Selon vous, Papa Cassette et M. Georget, à propos de la Wii U, on voit M. Iwata-san déballer la Wii U et j'ai vu qu'il semble avoir un fil HDMI, mais pas de fil RCA. Point d'interrogation. Ouais. C'est que. Ben, c'est ça, c'est que la Wii U, c'est une console next-gen qui est faite pour être jouée en HD. Absolument. Fait que ça vient avec un câble HDMI, puis si tu veux jouer en component. Ça doit être possible. Ça va sûrement être possible. J'ai pas regardé, mais c'est sûr qu'ils vont vendre un fil pour pouvoir le faire. Ils perdront pas leur public aussi vite que ça. Là. Ouais. Mais le public est quand même pas mal rendu à jouer en HDMI. Exact. Là, les gens aussi. Sont rendus là, puis je veux dire, si t'as une Wii U. S'il te plaît, achète-toi une TV. HDMI, puis moi, achète-toi une TV. C'est clair. Parce que, tu sais, si je vois pas l'intérêt, sinon, après la Wii, je veux dire, c'est. Ben, même la Wii, moi, HD, là. Moi, la Wii, je me suis pris un câble composite sur l'excellent site monoprice.com, sur lequel tu peux avoir tous les câbles, les plugs qui existent dans le monde entier. Puis même la Wii en composite, qui est une coche au-dessus de la RCA, ça change vraiment, vraiment la game. Là. Mais oui. Fait que, non, HDMI, all the way. Sinon, écoute, les TV sont pas chers. Là. Il y en a même à l'épicerie. Puis même à ça, tu sais, Iwata, il a présenté ce truc-là de façon très plate et froide. Ouais. J'ai même trouvé ça hilarant. Je le trouve vraiment drôle, cette vidéo-là. Mais une chose est claire, c'est que Nintendo donne quand même un câble HDMI. C'est pas rien. Sony le donne pas. Puis Xbox, à moins d'avoir un bundle qui est sorti récemment, les Game Essentials, je pense. Tu l'as pas. Fait que t'as pas de câble HDMI avec aucune console. Fait que c'est très bon qu'il le donne. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un câble comme Poland. Ça coûte pratiquement rien. Là. Ouais. HDMI, t'es sûr de t'en tirer. Là, en bas de 30$, c'est difficile d'avoir de la qualité. Sauf si vous allez sur monoprice.com, là où ils sont à 5$. Et ça marche très bien. Puis il demandait aussi, paraît-il que la Wii U aura pas 30 versions, pas les bundles, mais qu'une seule. Vous m'en conseillez d'attendre pour payer cher, pour payer moins cher? Il y a deux versions de, de la Wii U. Il y a la Deluxe qui est 32 gigs et noire. Puis la Deluxe vient avec un stand, avec un chargeur à Wii U, au gamepad, je veux dire. Fait que ça, c'est quand même intéressant. C'est un bon prix. Puis en plus de ça, ça contient Nintendo Land. Ouais. Sinon, tu as la version 8 gigs qui ne vient pas avec un stand, qui ne vient pas avec un chargeur à gamepad. C'est vraiment bare bones. C'est poche, hein, quand t'as même. T'as pratiquement rien. T'as rien partout. Puis t'as même pas de jeu. C'est ça. Puis la 8 gigs coûte 299. Ouais. Puis la 32 gigs coûte 349. Fait que pour 49$ de plus, t'as beaucoup de stock. Ben oui. C'est clair que le chargeur à Gamepad puis Nintendo Land, juste acheter ça séparément, ça va coûter... Non, c'est ça. Il faut y aller avec le gros bandeau. Le choix est clair, je pense. Absolument. Elle est blanche en plus, la 8. Moi, je veux la noire. Ouais, hein? Mais à moins que tu veuilles collectionner. Ouais. Si t'es un maniaque, t'as beaucoup d'argent, t'achètes les deux, t'achètes la 8, parce que personne va l'acheter de toute façon. Ouais. Fait que t'achètes la 8, t'as garde sealed, tu ne la déballes jamais, et dans 20 ans... tu la revends pour le triple du prix. Hein, exact. Puis, ça nous amène, dans le fond, à notre segment d'introduction. La Wii U s'en vient. Ben oui, la Wii U s'en vient. Tu vas avoir la tienne la semaine prochaine, que tu disais? Oui, je vais avoir la mienne la semaine prochaine. Holy fucking shit! Holy fucking shit! C'est ça qui est drôle, parce que quand même, au départ, j'étais pas... cet été... Ça y est, Dom, c'est ça. Je capote! Il capote tellement! Mais non, c'est ça, cet été, j'étais pas si excité que ça avec la Wii U. Ben franchement, là, tu sais, on a vu ce qu'il avait annoncé, on a fait comme... je sais pas. Ouais. Mais... Ben là, tu l'as essayé pour vrai. Je l'ai essayé pour j'étais vrai. J'étais là, moi aussi. Moi, je l'ai essayé deux fois. Oui. Puis, ben, capotes-tu plus? Avoue que tu capotes pas tant si plus. Ben, j'aime mon expérience, puis j'aime ce que la console projette de faire. J'aime l'idéal derrière la console, j'aime l'idée de la manette. Ouais. Le fait que maintenant, en plus de ça, il y a une chose qui est très importante. Il y a un éditeur à IGN qui a parlé de ça dernièrement. C'est vrai que la manette change tout parce que, entre autres, avec le gamepad, tu vas pouvoir allumer et fermer ta TV. Ça a l'air niaiseux comme détail, mais il n'y a aucune console qui fait ça encore. Fait que tu vas juste avoir besoin de ton gamepad pour changer les postes de ta TV, pour changer ton input. Mm. Tu vas tout faire avec ça. Fait que tu n'auras plus besoin de manette chez vous. Puis tu t'en vas même avec ça. Tu t'en vas même dans ton lit avec après ça pour continuer ta game de Super Mario Wii U. Exact. Wii U, là. Moi, juste ça, juste ce concept-là, ça, c'est génial. Pour moi, ça vend la console tout de suite. Là. Ah ouais, c'est même clair. S'il me disait, ah, le premier jeu, ça va être Super Mario Bros. 3D. je m'en fous, tu sais. C'est comme. Mais malgré ça, le line-up de lancement est quand même assez impressionnant. Oui, il est intéressant. Plein de stocks, il est super intéressant. Ça a été une surprise pour moi parce que je ne le savais pas, mais je lis beaucoup de choses sur Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Ouais. Puis ce que les développeurs ont dit, c'est qu'ils ont retravaillé le jeu pour la version Wii U. Okay. Ils l'ont fait selon les demandes et les plaintes des joueurs et des critiques qui ont critiqué le jeu puis qui l'ont mis pratiquement à 0 sur 10. Absolument. Fait qu'ils ont tout changé ça pour la version Wii U. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va être, ce jeu-là. Ça va être, j'imagine que ça va être super le fun, puis j'imagine qu'il va avoir arrangé beaucoup de choses, tu sais. Fait qu'il y a ça qui m'intrigue. New Super Mario Bros. Wii, le deuxième. Ouais. Ben, mais c'est la même affaire. Moi, je m'en fous, là, le jeu-là. C'est la même affaire, mais deux, une fois que j'ai joué... Ouais. J'étais comme, ah, OK, prenez mon argent. Ouais, c'est ça. Parce que mais en co-op, j'étais malade. Tout. Parce qu'il y en a un qui met les plateformes pendant que l'autre, il fait bouger son bonhomme, là, tu sais, puis tu contrôles avec le gamepad. Non, j'aimais ça. Ça c'était très, cool. Très cool, effectivement. C'était cool, puis, tu sais, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est un gros step, la Wii U, parce qu'on est enfin en HD. Ouais. Ça a l'air niaiseux comme détail, mais on n'a jamais été en HD avec Nintendo. Ça faisait on a du bien juste de voir vu ça. Des films pré-rendus un peu partout, sur la GameCube, sur la Wii. Mais t'as toujours voulu, comme Colin, je veux que Mario soit clean. T'sais. Ouais. Là, il l'est. Ouais. Fait que ça change de quoi, même dans New Super Mario Bros., les environnements et tout. Ça change de quoi? Mm. Ça change vraiment quelque chose. Puis le fait de pouvoir continuer ta partie sur ta manette, c'est écœurant. Ouais, cette manette-là, elle offre une tonne de possibilités. Là, l'interaction va se faire. C'est fou l'interaction que tu peux avoir avec ta TV maintenant. Là. C'est totalement nouveau. Là. La Wii, c'est pas pareil. C'est comme si tu fais shaker ta manette. Ça, c'est une affaire. Mais moi, j'ai même pas joué, je pense, le jeu de Wii U que la manette que j'ai dû shaker la manette pour faire des choses. Non, moi non plus, ça m'est pas arrivé. À part à Nintendo Land, où est-ce que je lançais des shuriken, là, genre, mais même à ça, j'ai pas rien shaker. Non, c'est ça. Donc, ça sera pas tant du bougeage que de l'interaction, là, tu sais. Ton menu, tu sais, quand tu vas jouer à Zelda, tu vas avoir ton menu dans ton gamepad, là. Ça va-tu bien aller, ça, un peu? Ça va très bien aller. D'avoir imagine la map du donjon, ben, là, directement. Ben, ouais, tu sais, voyons, ça va être génial. C'est là. Débile, tu sais. Tous tes menus, ton pack-sac à Zombie U, tu sais, tous tes items, ils sont drettes là tout le temps. D'ailleurs, Zombie U, tu sais, c'est vraiment le jeu prometteur de la console, puis ils savent très bien, tu sais, puis tous les concepts de la Wii U sont pratiquement tous dans ce jeu-là. Puis aujourd'hui, j'ai lu un article super intéressant. Allez sur le site polygon.com, puis allez chercher, je pense que c'est How Killer Freaks Became Zombie U. Parce qu'avant, Ubisoft, quand ils ont parlé du jeu au 3-2011, c'était Killer Freaks from Outer Space. OK. Puis ça, j'ai appris que c'était, en plus de ça, c'était comme un jeu parallèle de Rayman Raving Rabbids. Okay. Les petites bébites qui étaient là, c'était comme des cousins aux Raving Rabbids. Okay. Au départ, ils se sont dit, peut-être ça devrait pas être ça. T'sais, peut-être on devrait les tasser de Raving Rabbids puis juste faire un jeu à part entière. Ils ont commencé le jeu puis ils se sont aperçus des problèmes, entre autres, pour tirer les bébites qui vont jusqu'à tes genoux en termes de hauteur. Ouais. Tu avais tout le temps le gun au sol puis c'était fatigant. Puis ils disaient, c'est pas assez hardcore non plus. T'sais, c'est pas avec ça qu'on va faire un gros bang quand la console va sortir. Ouais. T'es totalement conscient de toute la merde que Nintendo reçoit. C'est pour ça que c'est devenu Zombie U par la suite. Mais en tout cas, allez lire l'article. C'est vraiment un bel article. Puis moi, je trouve ça le fun parce que c'est une. Contrairement à la Wii où c'était une façon de jouer, genre la détection de mouvement puis tout ça. on l'a fait, on l'a vu, autant avec les trois consoles, on a vu ce que ça avait à offrir. Puis il est encore là. Il est encore là, mais tu sais, je pense que comme Rock Band, on est passé à autre chose. Ouais, c'est clair. C'est fini, là. Puis personne joue à ça. Y a plus personne. Tout le monde est pogné avec son gréement chez eux, ils sont comme « tabarnak, pourquoi j'ai ça? » Mais c'est ça, on était écœurés avec la détection de mouvement, puis ça se comprend, on a fait le tour, puis c'est un shtick, ça prouve à quel point les manettes avec des boutons... Je veux dire, c'est ça qui a commencé les jeux vidéo, puis c'est ça qui va terminer la vie des jeux vidéo, à mon avis. Mm. C'est comme ça qu'on joue. Puis la manette présente énormément de potentiel. Fait que moi, c'est une question que je reçois souvent. Qu'est-ce que je vais m'acheter à la sortie de la Wii U? Je vais m'acheter Zombie U. Je vais m'acheter New Super Mario Bros. Wii. Puis Rayman? Wii U, je veux dire. Rayman, non? Ah, Rayman, ben tu l'as pas essayé? Il sort pas au lancement. C'est pas un launch, OK. C'est bon. Pas un launch. Puis mon troisième jeu que j'hésite fortement à acheter, c'est Darksiders, que j'ai déjà sur PS3, que j'ai déjà commencé, mais j'adore ce jeu-là, puis juste l'idée de pouvoir jouer ma partie, jouer une quête aussi épique que ça sur mon écran, puis après ça, pouvoir la continuer sur la manette, ça me fascine. À la limite, je ne l'achèterai pas, je vais le louer, mais je veux essayer ça, je trouve ça tellement cool, tu sais. Puis, une autre affaire que j'ai trouvé cool, que j'ai découvert dans le dernier trailer de Sonic and Sega All-Stars Racing Transform, c'est que tu peux jouer non pas à 4 en mode local, mais à 5. OK. Parce que la manette... Le gamepad, c'est un joueur de plus. D'autres écrans. Ouais. Fait qu'il y a un autre joueur qui peut se joindre à ta partie, tu peux jouer à 5, tu sais, c'est cool en maudit, ouais, tu sais. Ouais, c'est clair. C'est une autre affaire, tu sais, à Call of Duty, ça va sûrement être la même affaire que, bon, t'es pas 4 maintenant, t'es 5, tu sais. Moi, je sais pas, je vois tellement de potentiel là-dedans, puis contrairement à... tout le monde dit, ouais, mais Microsoft le fait déjà, tu sais, parce qu'ils ont Smart Glass. Ouais. Mais Smart Glass, ça se fait avec une tablette. T'as ta manette, puis t'as ta tablette. Ouais, c'est ça. Là, la Wii U, c'est une tablette puis une manette ensemble. T'as jamais besoin de laisser tomber ta manette. Fait que, come on. T'sais, non, c'est, il me semble, c'est deux, là, c'est clair, deux là, affaires c'est deux bien affaires. Différentes, là, effectivement. Fait que, non, moi, j'ai super hâte, puis j'ai bien hâte, dans le fond, d'avoir la machine puis de gosser avec. Juste de gosser avec, de voir, genre, OK, c'est quoi tout ce qu'on m'offre? C'est quoi le chat? C'est quoi? Comment qu'elle fonctionne? Ouais. Le nouveau système d'exploitation puis tout ça. Ça m'intéresse, tu sais. J'ai hâte de voir ça, moi, avec. J'ai peur qu'on soit un petit peu déçus malgré tout. Tu sais, toutes les Mi Land, là, puis les Mi Universe, puis tout ça, là, tu sais. C'est pas trippant, ça, là, me semble. Mais t'as passé du temps, toi, à collectionner, à essayer de ramasser les petits jeux, tu sais, de Mi, puis de... Ben, moi, dans le Mi Plaza, tu rencontres-tu tes amis, tu sais? Moi, je suis jamais là, man. Je veux jouer aux jeux. Ben, moi, je suis allé, mais je trouve que les jeux sont comme plates, t'sais. Ben, c'est ça. S'ils travaillaient plus, là, toi, tu parles des jeux sur la 3DS. Ben, il y a ça sur la 3DS, là, mais... Parce que sur la Wii, il n'y a pas ce feature-là, tu sais. Non, mais il y a comme un get-together, là, de... Oh, oui, mais le Plaza, dans le fond, c'était Mi. Mm-hmm. Moi, une affaire que j'ai bien aimé quand j'ai eu la Wii, c'était de créer des Mi complètement ridicules. Ouais, ou de créer ça, des Mi on a tout trippé à faire ça. Ouais, mais là, les Mi sont encore pareils, d'ailleurs. C'est de valeur. Ils ont comme ça, pas pris une coche. Hein? Ils sont encore des troncs. Ouais. Genre, pas de jambes. C'est ça. Ça, ouais. Je suis un peu déçu, ben, franchement. Mais je me dis, bon, garde, ça fait partie de... Whatever. C'est pas super grave. Là. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les fonctionnalités par rapport à la TV. Puis par rapport à la TV, à Internet, à notre façon de regarder des vidéos sur Internet aussi, ils ont un truc qu'ils ont présenté au E3 où t'as une affaire de présentation, puis t'as un gros rideau devant l'écran. Mm-hmm. Puis là, t'es en train de chercher ton YouTube, tu le pars, puis l'écran se dévoile. Quand toi, tu décides, ça se dévoile. T'sais. Ouais, ouais, fait ouais. Qu'enfin, on va pouvoir montrer un singe qui est en train de se gratter le cul, puis tu le pars juste au bon moment pour que le monde le voit. C'est clair. Fait que tu sais, je trouve qu'il y a plein d'affaires intéressantes avec ça. Je vois même à la limite plus l'intérêt pour certaines choses d'avoir un iPad ou une tablette. J'ai l'impression que pour certaines choses, ça peut remplacer une tablette pour aller sur Internet. Pour aller sur Internet, ça va déjà beaucoup aider. Là. Ça va vraiment aider. Ça va être vraiment plus facile et intéressant de Parce que tu vas pouvoir avoir ton écran. Ben, c'est ça. Tu as ton écran dans dessus. Ton gamepad. Puis tu y vas avec tes doigts. T'sais. C'est ça. Ça, c'est génial. Fait que, moi, j'ai hâte de voir. C'est sûr que là, je parle à travers mon chapeau. On l'a même pas essayé encore. Mm-hmm. Mais on l'a pas essayé chez nous, on l'a essayé avec des jeux, mais Y a-tu un Blu-ray dans la machine? Non. Non, hein? Pas de Blu-ray, ça, pas de DVD. Vraiment, ça, c'est tabarnak. Pareil, ça va dans le... Là, c'est moins cher à cause de ça. Mais mets-moi les plus chers, là, puis moi, un Blu-ray là-dedans. Il aurait pu, ça, c'est vrai qu'il aurait pu, tu sais, il aurait pu au moins dire, ben, regarde, on a le Deluxe qui est à ce prix-là. Si tu veux un Blu-ray, c'est l'extra Deluxe, puis genre, il est 200$ de plus. Mais le Blu-ray, c'est une technologie de Sony, tu sais. Ouais. Fait que veut pas, à quelque part, c'est sûr que les autres pourront peut-être pas se l'arracher aussi facilement. T'sais. Bon, je savais pas, vois-tu. Y en a-tu un dans les Xbox, un Blu-ray? Non. C'est un DVD grand format. OK. Bon. Fait que non, c'est ça. Les compagnies fonctionnent encore avec du DVD. OK. Fait que en tout cas, on verra bien. Ça sort dimanche matin. Moi, dimanche matin, je vais aller chercher la mienne. À Monsieur Net, je suis pas certain aussi qu'on va en recevoir une, qu'on va la décortiquer pour le public. Mais j'ai bien hâte de voir ça. À vrai dire, j'ai une tonne de questions puis d'interrogations. Ah, tout le monde va répondre. On va tout voir ça dans les prochaines semaines. Là. C'est bien excitant. Ah oui. Mais en tout cas, ce que je lis sur Internet jusqu'à maintenant est très favorable. Puis les gens qui l'ont essayé, mais en tout cas qui l'ont en test permanent dans leur bureau, sont vraiment satisfaits de leur expérience. Fait que, écoute. Yes, on va voir ça. Excellent. Sinon, moi, ces temps-ci, je joue encore à Cave Story 3D. Encore? Là, oui. Ça fait vraiment longtemps que tu joues à ça. Ça fait un bout. Ben là, je suis rendu à la fin. Okay. Rien que pour revenir vite fait là-dessus, là, je pense que tu as des fins différentes là, parce que là, il y a une place que tu choisis de ne pas prendre le machine gun. Fait que là, tu continues avec ton pea shooter. Il y a une place aussi qu'il faut que tu jumpes par-dessus un trou où est-ce qu'il y a un professeur en bas qui te donne un booster qui te permet d'aller dans les airs. Okay. Faut que tu skips ça aussi. Faut que tu donnes du trouble, tu sais. Okay. Puis quand tu réussis à pas prendre toutes ces affaires-là, là, plus loin, tu débarres le gros gun, puis là, tu débarres le gros booster qui est 100 fois meilleur. Puis à la fin, quand tu te sauves, t'as comme un autre passage que tu peux aller, puis là, tu vas affronter ce qui semble être un autre boss de fin là, qui est vraiment... Okay. My God, c'est dur. C'est dur, là. C'est malade. Là, je suis découragé. C'est pour ça que j'ai arrêté. OK. Je suis pas capable de tuer ce gars-là. Là. Il y a comme des catacombes de pics dégueulasses qu'il faut traverser pour se rendre jusqu'à lui. Puis lui, il se transforme 4 fois, tu sais. Genre, fait que là, tu le tues une fois, t'es comme, yeah! Oh shit, une deuxième shot. OK, là. tu réessayes. Troisième fois, ah, oh, je le savais. 3 fois, c'est classique. Bon, 4 là. Quatrième, t'es comme, tabarnak! Ça va-tu finir? C'est dément, mon gars. En tout cas, je suis rendu à la fin de ça. J'espère réussir à finir ça. J'ai starté Kirby Superstar Ultra ODS aussi. Ouais. Parce que j'avais jamais joué. J'ai acheté ça, puis c'est super le fun. C'est cool, hein? C'est bien sweet. C'est comme... Il y a plusieurs... Des petits jeux. Oui. T'as comme... on dirait que t'as Kirby Dream Land original là-dedans. Oui. Puis après ça, t'en as un autre que t'explores des grottes, tu ramasses des trésors. Il y en a un que tu fais des courses contre DDD. Oui. Puis tu ramasses de la bouffe. En tout cas, ben, il l'avait eu sur Super Nintendo, puis c'est un des jeux les plus populaires qui existent. Ah, c'est ça. C'était quoi au Super Nintendo? Comment ça s'appelait? C'était Kirby... Je pense que c'était juste Kirby Superstar. Superstar. Puis c'est vraiment... Moi, je l'avais critiqué à Monsieur Net, puis c'est de la bombe, jeu-là. Là. Ah, ben mais voilà, Super c'est Nintendo, la suite. C'était le Kirby qui vendait dans une boîte en bois. Oh! Parce que c'était comme une grosse affaire, le Kirby Superstars pour eux autres. OK. C'était si tu peux trouver ça, d'ailleurs, vu que t'es collectionneur... Ben, il va falloir. D'avoir une copie de ça dans la boîte en bois, là, c'est phénoménal. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'édition anniversaire de Kirby qui est sortie pour la Wii, quand tu regardes la pochette, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, on fait une espèce de pochette en faux bois. Ah, nice! Pour commémorer cet événement-là. Et on en apprend des choses avec Wii. C'est fantastique. C'est un bon petit jeu. En tout cas, je vais peut-être en faire une critique plus officielle prochainement, vu que j'ai pas le choix de jouer en portable parce que tout est débranché ici. Ben oui. Joue aussi à Retro City Rampage. Ouais. J'ai commencé, j'étais à peu près à 25%, 30%, là, je pense, je dirais. Comment tu trouves ça? Ben, c'est correct, là. Mais tu sais, je m'attendais pas à tant que ça non plus, tu sais. Moi, je m'attendais à plus que ça, ben franchement. Ouais. J'étais un peu déçu. Moi aussi, mais... Comment dire, tu sais? Moi, j'aime les références puis tout ce que le jeu veut être. Ça, c'est dément, les références. Mais le gameplay, là Ouais. Ok, je m'excuse, tout le monde va détester, mais je m'emmerde. Ben, c'est ça. J'aime pas ça. J'aime pas beaucoup, à vrai dire, j'aime pas beaucoup les jeux qui essayent de faire ce qui se fait dans un environnement 3D, en 2D, vu de haut. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. C'est pas pire Retro City Rampage, à mon avis, mais c'est pas... T'as trop d'affaires à retenir par rapport à un vrai jeu rétro. Ouais. Je trouve que c'est pas assez simple. Non, c'est ça. C'est même trop complexe. Direct au début, là, la cinématique, whatever, tout ce qu'ils font faire là, avant de commencer ta genre de vraie quête, là, c'est allé tellement vite. Là. Ah oui, il y a comme un méchant là, qui a l'air du Joker. Là, il garoche une place. Là, le texte, il reste pas affiché à l'écran non plus. Fait que si t'as pas le temps de le lire, fuck off. Là, il te donne des souliers pour marcher ultra rapide. Là, tu passes à travers des affaires. Là, tu traverses une autre place. Là, le doc arrive avec sa DeLorean. T'es comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe là? T'as l'impression d'avoir tout raté alors que t'as tout fait, mais tu sais même pas trop comment tu l'as fait. Mais tu sais, comme moi, ça m'a buggé ça. Ouais. J'aime ça être en contrôle de la situation puis voir qu'est-ce qui arrive. Mais là, bon, ça c'est passé. Puis maintenant, ben, tu fais tes missions, soit la quête principale ou soit les autres petites quêtes sur le site. Mais on dirait que je fais rien que me promener en char puis écraser du monde. Ouais. On dirait que c'est juste ça que je fais. C'est quand même très satisfaisant. Oui. Mais tu sais, la police te court après tout de suite puis tu fonces dans la police. Là. Tu vas dans un building, tu vas chercher d'autres affaires à l'autre building. C'est ça. Je trouve que ça ressemble à GTA Chinatown Wars, mais ça peut pas se comparer en termes de gameplay puis de richesse de gameplay. Ouais, c'est ça. T'sais, je trouve qu'ils ont peut-être passé tellement de temps à faire des références à la pop culture puis avoir un script qui est béton. Mm-hmm. Que le gameplay est un peu passé en deuxième. Là. Ouais, c'est clair. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens puis de critiques qui ont été aveuglés par ça. Tu sais, que le jeu est tellement awesome pour tout ce qu'il fait, mais de que le gameplay, au final, tu sais, c'est comme. Ouais, ben c'est ça qui s'est comme passé. Si t'achètes une BM, Grim, puis les bancs sont dégueulasses, sont toutes faites en corps du roi orange, tu sais. C'est, je sais pas, je trouve qu'il y a de quoi qui marche pas dans le jeu-là. Mais il est très payant, par exemple, au niveau des références. Puis, tu sais, quand tu vas sur pause, tu peux le mettre en Virtual Boy si tu veux, tu sais. Ou tu choisis la musique, tu choisis des contours d'écran aussi, style arcade, style. Tu peux mettre les couleurs, tu peux mettre en ZX Spectrum, ça tente. Sauf qu'ils ont tous changé les noms, tu sais. Ça, c'est super tordant. Ouais, le script, il est vraiment bon. Il est béton, c'est le script. C'est tordant, là. C'est vraiment, vraiment hot. Il y a une arcade aussi avec un jeu dans la ville que tu peux aller jouer. Ouais. Tu joues à un jeu de Epic Meal Time. Ça, j'ai trouvé c'est ça carrément hot. Mon gars, là, avec Muscle Glasses, c'est juste du pitonnage comme dans Mortal Kombat, tu sais, pour manger toute la bouffe qu'il y en a avant toi. Je trouvais ça génial. Puis il y a Virtual Meat Boy, là aussi, là, ce qui est en tout cas. Mais comme Super Meat Boy. Ouais, mais il court, tu sais. C'est comme Rad Racer, là, finalement. En tout cas, c'est pas grand chose. Mais non, c'est des ça. Petits détails, tu sais, super cute, là, puis super le fun. Mais référence c'est ça, à Skate or Die, référence à. Man, tu finis plus des nommés. Bionic Commando, il y a un genre de commando avec le bras qui te court après, tu sais, c'est malade. Mais c'est ça, c'est un genre de gros hommage à tous les jeux vidéo. Ouais. Fait que de ce côté-là, moi, le jeu, je le trouve trippant, mais dans le genre. J'ai mieux aimé à Bobo's Big Adventure. Là. Ouais, là, c'était encore pour plus moi, over the top. Le combo était génial. J'ai eu du fun à y jouer, puis j'ai été impressionné par toutes les références. T'sais. Mais si Retro City avait été... là, il est 15$. C'est nettement trop. C'est vraiment, là. Cher, c'est pour vraiment ce que c'est, trop cher pour ce que c'est. Ouais. S'il avait été, je sais pas, 10 max, mais un petit peu en dessous aussi, j'aurais fait nice, t'sais, parfait, super beau, super clean. Là, à 15$, j'ai l'impression de vraiment comme payer vraiment trop cher pour ce que c'est. Là, t'sais. Mais en tout cas, en même temps, tu dis chapeau, là, les gars, ils ont travaillé fort pareil. Oh, là, c'est, oui. C'est un bel exercice. T'sais. Malheureusement, on s'entend. Ouais, c'est ça. En tout cas. Sinon, tu joues. Y a-tu des choses. Moi, présentement, on parle de développeurs indépendants, justement, qui ont tout mon respect, même les gens de Retro City Rampage. C'est une grosse job, pareil, puis je comprends tout ce que ça implique. Mais c'est ça, il y a les gens de Tribute Games aussi, je pense à eux autres de ce temps-là, parce que je joue beaucoup à Wizard sur mes heures de dîner. Ah ouais? Puis, moi, parce je joue que sur ma PlayStation 3, puis j'ai de la misère. Je l'aime pas, ça marche console, pas bien. Ça marche pas bien à cause du contrôle. Oui, puis il y a un lag entre la. Je trouve, on dirait, ça répond pas, là. Non, c'est moi, j'aime pas ça sur console, mais sur ordinateur, ça va super bien parce que avec ta souris, je veux dire, ton paddle, c'est du 1 pour 1, là, ça avance ben, juste ça, au bon c'est moment. C'est génial, ça. Fait que c'est drôle parce que j'étais vraiment pourri sur console, puis je me disais comme. ah, fuck this game, je suis vraiment pas bon. Ouais. Puis là, j'ai fait ça sur ordinateur, puis c'est un vrai charme jouer à ça. Là. C'est ah, super ouais. le fun, puis c'est vraiment le fun, c'est fluide. La musique du premier niveau était vraiment chiante. Là. Ouais, elle était hypnotique pas mal. Je l'aimais vraiment pas. Tu sais, ça commence, là, puis t'as la musique qui est comme pratiquement un clone de la musique du premier donjon de Zelda, ouais. tu sais. C'est endormant, c'est répétitif. C'était répétitif. J'étais curé d'être pogné là. Mais sur ordinateur, ça s'est fait super vite. Puis je me suis rendu plus loin. Puis la musique aussi devient meilleure. Okay. Plus on avance dans le jeu, les boss deviennent vraiment plus intéressants. Puis je trouve que le jeu, vraiment, là, c'est dommage. Ça a comme un peu pas passé dans le vide, mais on n'a pas entendu parler tant non, que ça. Non, ben, il y allait. Je veux dire, c'est pas Assassin's Creed, là, mais. Non, c'est pas Assassin's Creed. D'après mais... ce que j'ai entendu dire, ça a quand même bien marché. Puis ça leur permet de faire Mercenary Kings présentement, tu sais. Mais les gars, ils se sont pas achetés des BM, là, tu sais. Non. Ça a payé le pain, là, puis that's it. Mais c'est ça. Mais ça permet de pousser plus loin à chaque nouveau jeu. Je trouve qu'on devrait en entendre plus parler parce que ouais. c'est vraiment un bon jeu, là. C'est super le fun. Moi, je joue à ça, puis je veux dire, je continue sans arrêt, puis. Il est super le fun ce jeu-là. Mm-hmm. Puis il coûte pas super cher. Je sais pas il est combien sur Steam, ben franchement. Je m'en rappelle plus. Ça doit être comme une dizaine de piastres, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Là. Si vous aimez le rétro gaming, puis si vous aimez Arkanoid, moi je suis ouais, sur Arkanoid. C'est un brick breaker. C'est super le fun, là, vraiment. Fait que je joue à ça. Je joue aussi sur mon Nintendo. Oh yeah! Parce que là, je suis dans ma cave. Ma cave est setée. T'as fini de rénover ton sous-sol. Fini de rénover mon sous-sol. Fait que là, toutes mes affaires sont setées. Ouais. Fait que là, hier, je me suis tapé Power Blade au complet. Ah oui, au complet? Ouais. Puis, t'as-tu aimé ça? Au complet. J'ai adoré ça, sauf que je t'avoue que je me suis rendu compte que Crime, les six mondes ont pratiquement le même skin avec différentes couleurs. Ah. On fait pas mal tout le temps la même affaire. Puis, ce que je trouve drôle, c'est que dans le rétro, des fois, il y a comme des affaires qui ont pas de sens. Comme, mettons, tu te bats contre un robot. Là, après ça, juste à côté, il y a une espèce de coccinelle style Megaman qui est blindée quand elle est à terre puis qu'elle va super vite. Puis après ça, elle se lève en tourelle. Ouais. Puis là, whoop, une chauve-souris. C'est vraiment oui. Là, toi, t'avances avec ton boomerang, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Il y a juste des maudits robots partout, puis là, à un moment donné, là, t'as une chauve-souris ou un chien, ou tu sais. Ça a tellement fort à voir, c'est tellement random, mais c'est génial. Mais Power Blade, c'était vraiment un bon jeu, c'est super le fun, c'est du bon platforming, là, vraiment, là, c'est précis comme platforming, c'est chirurgical, mais super le fun, excellent soundtrack. C'était mérité un cover de Nintendo Power, d'ailleurs, dans quand le temps, même, en 90, je pense. Puis c'est mérité une suite aussi. Oui, Power Blade 2, ça coûte cher. Hein? Si vous voyez ça, là, c'est un bon achat. Ça, je sais, quand j'ai fini le premier, j'étais allé sur eBay, je me suis dit, ah, on va le pogner, comme 120 c'est, ouais, piastres. 100 piastres, 80 piastres. <là. rire> Je le voulais, tu sais, j'étais comme, fuck, j'ai fini le premier, je veux. Ouais. Mais non, super le fun. C'est un genre de... Même c'est un genre de Robocop avec un boomerang. Ben, c'est cool, dans le fond, c'est un vrai gars, puis tu bats un autre gars, puis tu ramasses ton casque, puis là, tu deviens une espèce de gros robot, puis tu peux... T'as comme trois shots, puis si tu te fais battre en trois shots, tu reçois trois coups, là, t'as plus ton costume de robot. OK, t'sais. Fait que t'upgrades ton saut. Ton saut, t'es à life, finalement. C'est ça. Mm-hmm. Fait que non, c'est un jeu que j'ai adoré, je l'avais acheté, puis je le garde, tu sais. Il y a bon, des ça. Jeux comme ça que j'ai acheté avec mon Nintendo... Je me suis dit, ah, je vais l'essayer un moment donné, tu sais. Puis là, celui-là, je l'ai fini. Tu sais, il y a des jeux que j'ai fini, puis j'ai fait comme, je l'ai fini, j'aurais pu jamais me faire chier ce jeu-là. Mais lui, je l'ai fini, puis j'ai comme, non, je vais y revenir, là. Ouais, j'ai vraiment ouais. du fun avec. Fait que, non, bon jeu. Puis sinon, je joue encore et toujours à Darksiders. Ouais. Tout le monde sont comme, crime, Bruno, t'es-tu vraiment plus? Minable au jeu ben là, vidéo? T'as pas le temps, là, avec mais des critiques et toutes tes affaires, là. Exact, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas assez de temps pour jouer, puis il y a tellement de jeux qui sortent que j'essaye comme plein d'affaires. Fait que, tu sais, même là, moi, ça me démange. Je veux jouer à Resident Evil 6 parce que j'ai commencé à jouer, puis c'est super le fun. Puis je pense que c'est vraiment c'est le prochain jeu que je vais m'acheter. Mais là, je dis ça, c'est le prochain jeu que je vais m'acheter. Ben là, la Wii U dimanche, sort. Dimanche, la Wii U sort. Ouais, c'est ça, économise tes bidous. C'est ça. Puis dimanche, mon jeu le plus attendu de l'année aussi il va sortir. Ça me fait chier. C'est le même jour que la Wii U. C'est quoi? Hitman Absolution. C'est le jeu que j'attends le plus de l'année. Attends, c'est-tu le Hit... Ah non, Hitman, excuse-moi. C'est le nouveau Hitman. Ouais. OK, OK. Fait que, non, ça, c'est écoute, j'ai tellement hâte de jouer à ça. Là. Je trouve que le jeu est magnifique. Le Jean 47 était écœurant. Puis c'était comme un gros rebranding, remake de ce que c'est Hitman. Puis ouais. Moi, j'adore cette licence-là. Fait que j'ai hâte de voir ça. Fait qu'en tout cas... Sauvons notre argent, puis Noël arrive. C'est ça. On se prend des cadeaux. Je sais pas comment on dit ça en anglais. On dit centipede. Ben oui, comme human dans Human Centipede. Donc c'est ça, mon jeu, c'est Centipede Infestation. J'aime ça les jeux que ça dit infestation dedans. J'avais fait la critique de Aliens Infestation au DS. J'avais fort adoré. Donc j'étais au Toys R Us, puis moi à chaque fois que je vais au Toys R Us pour mon petit, j'aime bien aller dans la section jeux. T'sais. C'est là que j'ai vu Sin and Punishment à 20$. Oui. C'est là que j'ai vu Centipede Infestation à 20$. Puis ça fait longtemps que c'est sorti, ça je pense sorti en 2011, bon temps, là, ouais. Quelque chose de même. Mais il était tout le temps là, puis il était 40$, je regardais ça, 40$, qui c'est qui va acheter ça? Mais là il était rendu à 20$, je me disais 20$, t'sais, c'est plus grand chose, là. C'est quasiment deux lunchs, tu sais. Je peux même acheter ça. Tu vois deux lunchs à la place de la cassette. C'est ça. Non, mais moi, quand j'ai pas de lunch le midi à job, tu sais, je vais dîner, ça me coûte ça 10$. Ouais, fait que tu te dis, boy, je vais me faire deux lunchs de plus. Fait que c'est ça, deux lunchs pour sentir pas d'infestation. Puis j'étais quand même un peu curieux parce que c'est fait par WayForward, tu sais. Oui. Puis nous autres, on aime bien ça, WayForward. Oui. Puis c'est une réimagination de Centipede, là, le classique d'Atari. Mais tu sais, c'est pas la même affaire, pas en tout. Là, en t'sais. Passant, je tiens juste à préciser que tu viens de dire aussi que le jeu d'Aliens était nommé Infestation. C'était WayForward qui l'avait fait. C'est vrai, t'as raison. Fait que c'est quand même drôle qu'il ait appelé ces deux jeux-là pratiquement la même chose. Y a-tu un lien, tu sais? Ben, je sais pas. Sais-tu? C'est weird, là. C'est weird. Me rendre compte de ça maintenant. Ils ont bien aimé ça en brainstorm chez WayForward. Ils ont poussé, tu sais, vraiment. Ils ont fait comme « Fuck that, just call it Infestation ». J'avoue, hein, j'avais pas réalisé. Mais c'est ça, dans le fond, c'est pas Centipede. Centipede, tu sais, c'est un... Comment dire? C'est un shooter, là, le classique, là, jeu d'Atari, jeu d'arcade. Là, il y a des bébites d'en haut qui descendent en bas puis qui contournent les champignons. Toi, tu tires vers le haut. Puis c'est ça, faut que tu pètes ces affaires-là. Mais là, c'est vraiment dans un univers 3D, tu sais. Mais avant aussi, je voulais faire un petit lien. Il y a Millipede aussi qui existe. Oui. Tu te souviens? Millipede, c'est la suite de Centipede. Mais ah oui, moi ouais. Je pensais que c'était pas. Je pensais qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Non, c'est carrément la suite. Sauf que dans Millipede, t'as comme plus de boss. Pas de boss, excuse, mais t'as plus d'ennemis. Okay. Puis un petit peu plus d'options, mais le gameplay il est comme pareil. C'est là, quoi c'est pas des champignons, c'est des tomates? Non, c'est des champignons encore. Il y a juste plus de bébites, c'est tout. C'est vraiment cheap de même. Mais ça existe. Puis si vous voulez un bon jeu, je vous recommande le Arcade Classic No. 2 Centipede Millipede au Game Boy original. Oh. Ça fait toujours beau à avoir dans sa collection. Eh oui. Alors, le Infestation, lui, ce que c'est vraiment dans un... C'est un twin shooter. Ouais. Twin stick shooter dans un environnement 3D. Okay. C'est comme Smash TV. OK. Fait que c'est ça. Puis, l'histoire, c'est que ça se passe dans un univers post-apocalyptique, bien sûr. T'as un dude qui s'appelle Max. T'as une fille qui s'appelle M-A-I-S-Y. Maisie, OK. Maisie la gomme, donc. Merci, bonsoir. c'est ça, puis elle est comme une fille des plantes. Elle prend soin de la nature, les jardins, puis tout ça. Toi, t'es Max, puis tu tues de la bébite, tu sais. Mais t'es pas badass pantoute, là. T'es comme un young kid, là, vraiment poche. Puis, dans le fond, tu tombes face à nez à nez avec elle dans l'histoire, puis vous traversez des marécages, puis tu vas sur un train, puis toutes sortes d'environnements sur le top des gratte-ciels, tu sais, puis dans chaque... C'est comme des arenas, là, chaque tableau, là, dans le fond. Puis toi, ben, tu tues de la bébite. Puis entre chacun de ces tableaux-là, il y en a à peu près une trentaine, il y a comme l'histoire, tu sais. Mais on s'en sac, mon gars, là. On s'en sac tellement, là. C'est hyper pénible à regarder. Parce qu'il essaye d'avoir justement un genre d'histoire là, ça dit. Les ça, jeux de même, ça, ça sert à rien qu'il y ait une histoire. Ben non, c'est ça. Puis ça te compte des petites jokes, tu sais. Max, nanana. Là, à un moment donné, la fille, elle se fait pogner par une araignée. Puis là, toi, il faut aller tuer l'araignée. Puis là, après ça, on va sur un train. Attention, les abeilles attaquent le train. Puis après ça, oh, mon jardin. On défend le jardin, tu sais. Parce que, oh, là, oh coup... mon jardin. Tu défends vraiment un jardin. Ouais, c'est son jardin à elle. Ça là, ça dit, Max, je pense que quand tu tues les bébites, elle retourne à la terre et ça refait pousser la nature. Ah oui, c'est ça, mais ici, d'accord. Puis là, c'est... Puis c'est pas de l'animation. C'est pas comme écouter un cartoon. C'est comme... Les personnages, leur bouche bouge pas. Ils sont juste comme... Ils se fixent. Ah, puis, c'est juste y a des du images voice, fixes comme une BD, là. C'est du voice-over. Okay. Mais des fois, ils bougent un petit peu. C'est comme du frame par frame, mais à un frame par 5 secondes, tu sais. un mouvement par 5 secondes. Tu sais, genre, c'est pourri. OK, fait que genre, il y a peut-être un gars de WayForward qui a travaillé là-dessus. Ben, c'était pas l'animateur, sais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé, mais... En tout cas, l'histoire, man, c'est dégueulasse. Ah. Puis la façon qu'il la présente, c'est dégueulasse, tu sais. Mais pour en venir au combat eux-mêmes, c'est toujours la même affaire. T'as une arme, puis c'est plate avec ta 3DS, tu tires ton stick, tu sais, t'as pas un deuxième stick. Fait que tu tires avec tes boutons, dans le fond. Si tu payes sur... c'est quoi le nom des boutons? En tout cas, faut que tu payes sur celui d'en haut, celui de droite pour tirer en diagonale par en haut, tu sais. C'est pas instinct. Fait que tu pèses sur deux boutons. Deux boutons pour faire une diagonale, puis un bouton vers le haut, tu sais. Faut que tu t'habilles. Fait que t'as 8 c'est comme dans Metal Gear Snake Eater à 3DS, tu sais. C'est le même. Est-ce que c'est ça? Parce que je pense pas qu'il y avait du support pour le deuxième joystick. Eh boy. Parce que le jeu est sorti avant ça. Ouais, c'est ça. Mais ça aurait tout gagné à avoir un deuxième vraiment, stick. Un joystick shooter sans deuxième joystick. Ah non, c'est pas le fun, là. C'est pas facile, là. Ouais. Puis c'est ça, tout est... L'univers est très... C'est comme sale un peu, c'est très ombrageux tout le temps, tu sais. Okay. Il n'y a rien de spécial. Tu restes coincé un petit peu dans des murs invisibles des fois ou des roches. Tu sais, la roche au sol, elle prend comme plus d'espace que tu penses qu'elle en prend. Là. Ouais, fait ouais. Des fois, tu essaies de te sauver, puis t'accroches. Là, c'est vraiment chiant. Puis c'est ça, tu as des power-ups sous forme d'araignées qui descendent du ciel. Là, tu tires l'araignée, puis elle te donne un gun. Il y a une genre de mitrailleuse, il y a un lance-flamme, un gun à glace, il y a un laser, il y a de genre de petits missiles qui font des petites explosions nucléaires, un autre qui lance la genre de glu verte, là. Puis c'est assez varié, là. Ça c'est cool. Fait que quand tu pognes ton gun, ça l'apparaît dans ton écran du bas, c'est là que tu le sélectionnes, t'as 4 slots, puis mettons tu pognes 2 mitraillettes, ben t'as comme un power-up de mitraillettes, ça c'est cool. Mais ça dure pas longtemps, ça dure 4-5 secondes, c'est 10 secondes à peu près. Donc, c'est ça. Fait que tu les sélectionnes avec ça en bas. C'est correct, tu sais. Mais, c'est pas... Puis ton P-Shooter, de base, il est pourri, là. Tu sais, il est pas excitant, là, tu sais. À Contra 3 de Alien Wars, tu sais, au Super NES, ton P-Shooter, de base, c'est de la mitraillette, Mais là, c'est comme piou, piou, piou, piou, piou. Puis peut-être qu'il voulait faire comme l'original, tu sais. Ouais. L'original... Le jeu d'arcade, c'est piou, piou, piou. Là, peut-être c'est ça, mais c'était pas nécessaire là, d'être tête de même. Là, mais non, nous, c'est ça. Mets-nous de l'excitation. Que ça soit là. Le fun. Ben, c'est ça. Fait que des bébites arrivent. Il y a des abeilles, il y a des sauts qui tirent des pics, qui te foncent dessus. Il y a des sauterelles, il y a des limaces, des grosses araignées, des bébites qui tirent. Il y a quand même pas mal de bébites. Oui. Mais ça, c'est bien. Puis à la fin de chaque stage, il y a un ou des fois deux gros millipèdes qui arrivent. OK. Puis là, faut que tu le tires, puis là, il se coupe en deux. Puis après ça, faut que tu défasses les deux bouts. C'est comme dans l'original. Ah ouais, fait que c'est très cool. C'est cool. Puis aussi, des fois... Ils ont un pattern? On le voit, le pattern, il se dessine au sol avec des petits points. Fait que ça, c'est bien. Des fois, en tuant des bébites aussi, ça fait apparaître des champignons, comme dans l'original. Fait que les bébites passent autour des champignons. OK, fait qu'il y a quand même des liens. Il y a beaucoup de liens quand même, là. Puis aussi, tu peux avoir un peu de tower defense là-dedans. Il y a des bébêtes qui transportent des graines sur leur dos, whatever. Quand t'es dessus, ça plante une plante, puis elle attire dans le fond, là, quand il y a des ennemis qui s'approchent. Les ennemis se jettent dessus aussi pour manger tes plantes, fait qu'il faut que tu les protèges un peu. Il y a des éléments comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal rien que ça qui se passe tout le long. C'est très répétitif. T'sais, même si l'environnement change, la façon de jouer change pas vraiment. Mm-hmm. Une fois, comme tu pognes des tours là, d'attaque, que tu rentres dedans et tu mitrailles, mais c'est la seule fois. Il y a des boss qui sont corrects, là, mais c'est pas capotant non plus. Tu as le choix entre... Tu débloques des personnages. Tu peux avoir le bronze, silver ou ben gold pour chacun des stages. J'essaie d'avoir gold partout. J'ai pas tout réussi, mais tu débloques des suits. Oui. Puis tu débloques aussi un gun, Riveteer. Tu as un autre personnage qui s'appelle Rivet. Là, pas, okay. Là je parle pas de Craig Rivet du Canadien. Je sais pas c'est qui, là, j'ai pas trop catché dans l'histoire, là, mais en Rivet. Tout cas, il est pogné là, lui, avec. Salut, moi, c'est Rivet. Puis il y a un gun que tu débloques, le Riveteer, puis okay. Je sais pas ce qu'il fait, là. Je sais pas s'il est supposé être plus fort, j'ai même pas remarqué. Okay. On s'en calisse. Fait que tu finis le jeu, la fin est poche à mort, bien okay. sûr, pas de fin spéciale. Anyway, tu veux plus en voir de l'animation qu'il y a là-dedans parce que c'est mauvais. Puis... mais tu sais, je l'ai refait, les stages, pareil, je vais avoir de l'or partout, tu sais, ouais. C'est pas fait. Là, je joue à normal, à hard, où c'est vraiment beaucoup plus dur, fait que ça, c'est un challenge. Je pense que ce jeu-là prend beaucoup de beats quand tu joues en co-op, ouais. qui devient aussi beaucoup plus facile, et je crois surtout que la version Wii, elle doit être 100 fois supérieure ouais, à la version 3DS. Un stick, là, Ben, c'est ça, avec ta Wii, tu pointes, puis tu tires, tu sais, puis tu peux jouer à 2, 4 en même temps, tu sais. Ouais. C'est un autre monde totalement, là, tu sais. Version 3DS, puis j'ai regardé le graphisme sur YouTube, là, tu sais, c'est nettement là, plus intéressant. Okay. Version 3DS a vraiment été bâclé. C'est un port. C'est un port qu'ils ont coupé partout, là, tu sais. Ah. C'est que c'est ça. Je suis un petit peu... tu sais, c'est pas la pire marde que j'ai jouée de ma vie, là. Ouais, tu sais, oui. comme, bon, t'es dans le beat, là, quand tu sais, t'es bébé et puis tout, mais ouais. c'est pas super bien fait. Les animations sont pourries, le graphisme est plate, le 3D, ça paraît pas vraiment, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, dans l'ensemble, j'ai... Pouette. Pas mal déçu, là. Pour 20$, c'est correct, mais... Non, c'est pas correct, c'est vraiment... Non, ça a vu moins cher que ça. 10$, un download 10$, tu sais, ouais. pas pire, mais un achat 20$, même en gros spécial dans le bundle, parce que personne n'en veut, c'est trop cher. Ah. Fait que, nous, nous, nous. Fait qu'on s'en va en musique avec la toune Out of Touch de Hall & Oates qui se retrouve sur la trame sonore de Grand Theft Auto Vice City. Ooh. Take it away, Hall! We'll be right back. out of touch, out of touch, out of touch. Ah, il était carré. Yeah. Bon, fait que moi, je continue avec le... À vrai dire, ce que je vais faire, c'est une suite à ma critique que j'ai faite à Monsieur Net la semaine passée sur Assassin's Creed 3 Liberation. C'est un jeu qui est exclusif à PlayStation Vita et il coûte 40$ ou 4 lunchs dans ton langage. 4 lunchs! 4 lunchs du midi. Quasiment une semaine sans se faire de lunch à la maison, j'avoue. Une semaine, pas de lunch. Une semaine, pas de lunch à Assassin's Creed. On compte en lunch maintenant. Je dis qu'on compte en lunch. D'ailleurs, il faut que tu me payes la moitié du bandwidth. Là. Ça fait pas mal de lunch. C'est vrai, là. Ça fait pas mal de lunch, ça. fait que c'est ça. Fait que Assassin's Creed... moi, Assassin's Creed, j'ai jamais été un gros fan de la série. Toi, t'aimais pas ça. J'ai jamais vraiment aimé ça. À cause des contrôles. Ouais, à cause des contrôles. Moi, tout. Exact. Mais je me rends compte en parlant du monde que je suis pas tout seul. Il y a pas mal de monde finalement qui ont pas aimé les contrôles. Absolument. Fait que, coudonc, je suis content, je suis pas tout seul. mais c'est ça, j'ai joué un peu au troisième sur les consoles next-gen. J'ai pas trippé parce Attends, le troisième, c'est Revelation. Le troisième Assassin's Creed, là. Non, juste Assassin's Creed 3. OK. C'est Revelation, c'est quoi, d'abord? Il va où, lui? Revelation. C'est comme c'est une autre affaire. C'est pas celui-là de PSP, ça. Il me semble que c'est celui-là de PSP. Parce qu'il y a Brotherhood. Là, il y a comme plein de fans d'Assassin's Creed chez eux présentement qui se disent « Deux caves cave. ». Assassin's Creed, il y a le 2 Brotherhood. Ouais. Après ça, il y a eu... Non, Brotherhood, c'est pas le deuxième. C'est ça, c'est qu'eux autres, là, je pense, sont comme avec Ezio, là, jeu, le Ezio, là, c'est Brotherhood, ben, c'est le deuxième. Il y a Assassin's Creed 1, il y a Assassin's Creed Revelation, il y a Assassin's Creed 2, il y a Assassin's Creed Brotherhood, il y a Assassin's Creed 3, il y a Assassin's Creed Bloodlines, c'est ça, là, sur PSP. Ouais. Puis il y a Assassin's Creed Liberation. Je pensais que le 2 et Brotherhood, c'était la même chose. Non, c'est pas Mais la t'as même raison, chose. T'as raison, c'est vrai. C'est ça. Puis l'autre, le Revelation, c'est pas le 3, là. Non, c'est pas c'est le 3. C'est entre les deux. C'est avant le 3, il me semble. C'est juste avant le 3. Après ça, il y a eu Revelation, puis il y a eu 3. Ouais. En tout cas, j'ai commencé à jouer au 3e. Trop de jeux en trop peu de temps. Ouais. Mais c'est ça, puis j'étais là le soir que Tristan Geoffroy a fait sa critique du 3e, puis dans le fond, il m'a confirmé pourquoi j'avais pas trippé sur mon expérience. C'est parce que ça prend 5 heures avant de rentrer le vif du sujet. C'est ça qui m'a tué, moi, dans le 2. C'est tellement long avant de commencer, puis quand tu commences, tu contrôles, tu croches, puis ah! C'est ça. Puis ça m'inquiète pour le Watch Dogs qui va sortir bientôt. Là. C'est le même engin. Ouais, mais c'est d'autres choses. Watch Dogs, c'est une expérience plus action. Il n'y a pas un côté historique, puis tout ça, la chose. T'sais, Assassin's Creed, il cherche quand même à expliquer quelque chose. L'histoire est super importante. Oui, t'sais. Mais Watch Dogs... Si c'est le même contrôle, c'est qu'au lieu de courir sur des toits d'église, tu vas courir à travers des chars dans la rue, ça ira pas mieux. C'est le même engin. L'engin est bon. Moi, je persiste à dire qu'il y a de quoi de bon avec ça, parce que Assassin's Creed, c'est le premier Assassin's Creed, c'était supposé être un Prince of Persia. Mm-hmm. C'est devenu Assassin's Creed. Fait qu'à la base, c'est quand même tiré de Prince of Persia. Fait que moi, j'y crois. Tu sais, je pense que c'est une bonne licence. Moi, je réussis à jouer à Prince of Persia. Sans gosser, puis je réussis pas à jouer Assassin's Creed. T'sais. Ben c'est ça, mais je pense qu'il y a peut-être, en tout cas, on a eu des bugs avec les contrôles, mais le troisième de ce que j'ai joué, j'ai quand même trouvé que les contrôles étaient bien, c'était juste le jeu que je trouvais un peu plate. OK. Mais c'est ça, dans Liberation, c'est tout le contraire, parce que là, premièrement, t'as pas deux gâchettes, quatre gâchettes, t'en as juste deux. Fait qu'en tout cas, il y a moins de contrôle, il y a moins de trucs à faire, puis ça fonctionne très bien. Le système de contrôle fonctionne bien, puis il n'y a pas de niaisage dans Liberation. Ouais. Tu commences le jeu, puis tu fais ton premier kill à l'intérieur des deux premières minutes de jeu. Là. Absolument. Fait que ça rentre tout de suite dans le jeu, puis tu niaises pas. Puis le personnage principal, c'est Aveline de Grand Prix. Puis moi, ce personnage-là m'intéresse plus que les personnages qu'il y a eu dans Assassin's Creed jusqu'à date. Je la trouve badass. C'est une fille, puis il y a un côté intéressant à son personnage. C'est que c'est une fille qui est née d'une mère esclave africaine, puis d'un père qui est riche français, tu sais. Ah, fait qu'elle vit dans les deux classes, tu sais. Okay. Elle veut sauver... elle veut sauver la Nouvelle-Orléans de l'esclavage. Ouais. Puis, d'un autre côté, elle a tous les avantages de la haute. Fait que là, elle peut s'habiller en dame, ce qui fait qu'elle va pouvoir courtiser les gens puis pouvoir passer tout droit, sans se faire avoir. Elle va pouvoir se déguiser en esclave, ce qui va faire que, justement, elle va pouvoir infiltrer les camps d'esclavage, puis elle va pouvoir se déguiser en assassin aussi. Okay. Juste ce côté-là du jeu change la donne pour tout l'univers d'Assassin's Creed. Je trouvais que c'était juste ça. Ça rend la chose plus intéressante parce que tu peux jouer de façon différente et tu peux avoir une certaine stratégie dans ce que tu fais. Ouais. Puis je trouvais aussi que ce personnage-là, côté histoire puis tout, j'aimais l'idée de traiter de l'esclavage dans un jeu, chose qu'on n'avait jamais vraiment faite. Et j'ai lu un article récemment qui disait, c'était un gars de Kotaku, je pense, qui disait il n'y a pas de jeu plus noir que Assassin's Creed, dans le sens de la race noire, les Afro-Américains. Ah ouais? Attends, tout ça. Ils n'ont pas fait Amistad au TurboGrafx 16? Je sais pas, ça se peut. C'est une joke. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que c'est une grande cause, l'esclavage. Puis j'aime l'idée aussi, tu sais, présentement, Quentin Tarantino va sortir bientôt Django Unchained, qui est un concept très intéressant, à mon avis, qui est dans le fond je vois tes yeux de chevreuil présentement. Là, t'as pas l'air de comprendre. C'est non, j'avais pas entendu parler. Ça va être son nouveau film. C'est son nouveau film. Puis dans le fond, il s'attaque à l'esclavage des Noirs. C'est okay. Comme si l'esclavage des Noirs, il y a un Noir qui fait comme « Fuck that, moi, j'étais un badass. » Puis il se bat. Il y a une revanche. Il y a une revanche envers les maîtres puis justement l'esclavage par les Blancs. Okay. Puis je trouve que c'est une super bonne idée. Tu sais. Je suis pas sûr que le film va être bon, mais franchement, le trailer m'a pas convaincu. Hey, m'en est 17 pour parler de jeu. Ouais, excuse. Fait que... C'est mes yeux de chevreuil. Au milieu de la carotte. Belle biche écarée. Quoi tu fais? Une belle biche écarée au milieu de l'autoroute. What the fuck, des lumières? Ouais, c'est ça, mais dans Assassin's Creed, je trouve ça intéressant comme sujet. C'est un sujet qu'il n'y avait pas eu dans les jeux vidéo encore, puis il traite très bien dans Liberation. Mm-hmm. J'ai trouvé aussi que, malgré le fait que c'est un jeu qui est bourré de bugs. Ah, okay. C'est un jeu qui est bourré de bugs. Wow. Vraiment, il y a l'histoire, elle commence au début, puis tu sais pas en tout d'où elle vient, Aveline. Tu comprends pas. Qu'est-ce que ça fait que là, elle courait après sa mère, puis là, on voit plus sa mère. Là, on sait pas où est rendue sa mère, puis on sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est comme riche, mais pourquoi elle est riche? Pourquoi elle change? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Tu comprends pas trop, puis tu comprends plus tard dans le jeu, quand t'avances puis l'histoire elle se développe, tu fais comme ah, mais au début on t'explique rien. Okay. Il y a aussi des, mais c'est pas des bugs ça. Ben c'est storytelling dans un sens, puis ouais, c'est du mauvais scriptage. C'est du mauvais scriptage parce ouais. que tu commences le jeu, puis quand on commence un jeu, t'es supposé être concentré dans le jeu, puis t'es comme je l'aime cette histoire là, puis à l'intérieur d'une heure tu te dis ça va être écœurant. Mm-hmm. Mais là, c'est pas ça qui se passe. C'est comme jouer à Memento, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme Memento, là, t'as plein de pièces du puzzle, puis là, à la fin, tu fais comme ah, ok, c'est un méchant bon film, mais t'as pas compris, là, au début, ouais, t'as rien ça. Compris. Et c'est un peu ça, puis ça a été un peu mal fait. Il y a aussi des petits bugs, évidemment, des bugs que tu respires à certains endroits. Ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé. Il y a de l'intelligence artificielle aussi, des fois, quand il y a un humain qui te suit. Des fois, il te suit, puis il s'en va tout croche. Là. Comme à un moment donné, je m'en vais chercher une fille dans un camp d'esclaves. Elle me suit, puis il y a une maison. Puis là, on fait le tour de la maison. Puis là, moi, j'avance. Je me dis, bon, ben, elle me suit. T'sais, j'ai dit de me suivre. Fait que, ah ouais, avance, on s'en va. Là, je m'en vais, je vois aucun garde. Je fais comme, alright. Là, ça m'écrit comme, ne quittez pas, t'sais, vous êtes trop loin, vous allez perdre votre allié. Je me retourne, elle n'est plus là. Est à l'autre bout de la maison. Elle a fait le tour. J'ai riboire, puis elle est en train de se faire pogner par les gardes. Okay, j'ai comme, hey, tu me suivais. Fait que des petites affaires de même. Ouais. Des fois, il y a des petits bugs. Mais tous ces petits bugs-là, aussi nombreux qu'ils sont, ont pas gâché mon expérience, pas en tout. Okay. Parce que le jeu, l'histoire devient de plus en plus captivante. Il y a une belle variété d'émissions. Les missions sont le fun, une après l'autre. Ça se réinvente pas tant que ça, mais sont le fun. Les contrôles sont super le fun. C'est vraiment Assassin's Creed on the go, là, je veux dire. Tu cours sur les buildings, tu grimpes, ça fonctionne à merveille. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, des fois, même, tu sautes à côté d'une corniche, puis whoop, elle va étirer le bras pour se pogner sa corniche, puis okay. monter, tu sais. Puis là, tu fais comme aïe aïe. C'est vraiment... C'est gros, c'est un gros environnement, puis ça marche. Il n'y a presque pas de loading. OK. Les personnages sont variés, les locations sont variées. Tu t'en vas dans le bayou, tu vas te battre contre des crocodiles, tu vas nager dans le swamp, puis tu vas courir dans les arbres. Les armes sont super le fun. Là-dedans, t'as un fouet. Oh yeah. Tu peux pogner un fouet puis strapper du monde puis les amener puis les étrangler. Ok. T'as un gun, t'as des dards tranquillisants aussi. Avec une genre de flûte là. Oui. Ouais, c'est ça, c'est cool. Mais ça. Non, je trouve. J'aimerais savoir ça dans la vraie vie. Ah, ouais, oh, ta gueule. Pou. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est un bon jeu. Il y a comme plein de bugs, puis il y a du monde qui se sont posé la question pourquoi j'ai donné un 8 sur 10 à ce jeu-là. OK. Même, je pense que j'ai donné un 8.5. Ça fait 2 semaines que j'ai critiqué. J'étais sous. Puis j'étais sous. Mais non. Mais c'est ça, mais j'ai donné une très bonne note, puis c'est parce que j'ai eu du fun. Puis je veux dire, je l'ai. Tu sais, Gravity Rush, c'était un excellent jeu pour la Vita. Ouais. Mais j'ai fini par le laisser tomber. OK. Puis Assassin's Creed. Liberation, j'avais pas complètement fini quand j'ai fait ma critique. J'étais comme à peut-être à 80% du jeu. Puis non seulement j'étais allé le finir, mais j'étais allé tout débarrer les trucs secondaires puis tout ça parce que je tripais sur l'environnement, sur la musique, le graphisme, tout ça. Puis j'étais vraiment investi dans le jeu que je l'ai fait au complet, mais je l'ai fait au complet à 100%. T'sais. Bon, ben ça mérite des points. Exact. Mm. Fait que tu sais, il y a quelqu'un aussi sur Twitter qui me demandait dernièrement est-ce que ça justifie l'achat d'une Vita. Totalement. Ça, ah ouais, à ce ouais, point-là, ça t'es prêt justifie à mettre 300$ pour un jeu à 40$. Ben non, mais c'est parce que c'est une des bonnes raisons d'acheter une Vita. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas juste ce jeu-là. Évidemment, je pourrais en donner une tonne de bons jeux de Vita. Puis surtout que là, la saison des fêtes s'en vient. Puis il y a plein de bons jeux qui s'en viennent aussi. Mais c'est une des bonnes raisons. Je dirais que j'ai eu énormément de fun à Gravity Rush, à Uncharted. Mais j'ai eu encore... C'est pas ma meilleure expérience sur Vita, mais quasiment. Je pense que ma meilleure expérience comme overall, ça reste Uncharted, parce qu'Uncharted, c'est juste, c'est tellement bien fait. Mm-hmm. Mais Assassin's Creed est direct là. Disons qu'il est dans mon top 3. Uncharted, Assassin's Creed, puis Gravity Rush, là, tu pognes ces trois-là, man, t'es tellement business. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que achetez ça, n'hésitez pas. Pantoute, c'est très bon. Don't believe the hype. C'est pas à cause d'une couple de petits bugs qu'un jeu est pas bon. Vous avez juste à regarder Dead Island. Ouais. C'est un jeu qui est loadé de bugs. Il y en a une tonne, mais c'est le fun pareil. Faut pas s'arrêter à ça. Oh yeah! On s'en va en musique avec Super Dodgeball au NES, le Opposition Match Theme. alors, mon bru-bru. J'aime assez ça dire ça. On a un sujet cette semaine qui a été suggéré par Olivier Hugo. Oui. Et puis, c'était « Quel jeu rétro mériterait une suite? » Ou on pourrait dire aussi les anciens jeux, dans le fond, qu'on veut avoir en next-gen. Pas nécessairement obligé que ce soit une suite. Ça peut être un reboot, ça peut être... Mais les vieilles affaires qu'on tripait et qu'ils n'ont jamais refaites en next-gen, c'est ça, là, finalement. On veut une suite, on veut de quoi de nouveau là, maintenant qu'on a la technologie. Absolument. Mais en passant, merci pour toutes vos suggestions. Il y a eu pas mal de suggestions de sujets. Oui, il y en a eu, oui. Pis, ça nous aide parce qu'on avait une, mais c'était pas fameux. Fait que, non, vous c'était avez pas de... terrible. Hein, ça, on le fera peut-être un autre fois, je sais pas. Oh, ouais, mais on va y penser. Mais merci pour les sujets, puis on va faire appel à vous dans les prochaines semaines ben, pour ouais, d'autres c'est, sujets. C'est pas mal moins forçant en plus. Oui, cheap labor. Ok, fait que, on passe ça, toi, puis moi, on s'est fait deux méga listes. Ouais, il y a des grosses listes, là. Mais en même temps, on dirait que. Ben, il y a des jeux qui vont se retrouver, puis il y a même on vous a posé la question, puis il y a même des jeux dans nos listes qui se retrouvent sur Facebook là, que plusieurs personnes avaient. Puis tu sais, il y a des jeux, écoute, là, ma boîte de jeux est serrée, je pourrais juste l'ouvrir puis faire « Ah oh, ben oui, ça, tu sais, je veux dire, c'est infini, là, c'est quasiment, sûr. Mais en tout cas, on a pointé une coupe, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. » Ouais. Fait que... Ben, regarde, moi, je vais partir ça, parce vas-y. Que pour Atari, ouais. J'en ai on le fait-tu par console, là, ou... Ben... Moi, je l'ai fait par console, mais on n'est pas obligé de le faire par console. Ben, moi, je l'ai fait par console aussi. Fait qu'on va faire un comme ça. Oh, nice! Je savais pas que tu l'avais fait par console. Parce que moi, c'est ça commence par Atari, puis mon jeu d'Atari que je veux en next-gen, c'est Berserk. C'est vrai, hein? Il y a pas eu... Il y a un gars, j'ai cherché sur Internet, puis il y a un gars qui a fait comme un genre de remake de Berserk en 3D qui ressemble à Wolfenstein. OK. Puis c'est de la vraie merde, puis il y a personne qui le supportait, fait qu'il a arrêté. Oh man, c'est donc c'est bien triste. Plate, ça. Quand j'ai lu son blog, genre, toutes ses affaires qu'il avait mis, tu sais, c'est comme première date, « I'm super psyched, I'm gonna do Berserk! » Puis là, après, c'est comme, « Ah, j'ai besoin, tu sais... »« J'ai besoin de cash, j'ai besoin d'aide. »« J'ai besoin de cash, j'ai besoin d'aide. » Puis finalement, ça a lâché. Oh. C'est comme une espèce de vieille page avec des gifs animés. Là. Ah ouais. T'sais, c'est vraiment un fan, tu sais, mais... Ça serait, Berserk, c'était le fun. Ça serait un first-person shooter, sûrement, ouais. Là. Mais tu sais qu'il y a une suite, que les murs sont électrisants, les murs sont électriques, ouais, puis les gros robots là, ils seraient comme épiques là, mais c'est plus des monolithes qui marchent là, l'espèce t'sais. De grosse tête weird là qui sourit. Ah ouais, qui finit par apparaître, c'est clair. Ouais. Mais tu sais qu'il y a une suite hein, au ColecoVision qui s'appelle Frenzy. Ah ouais? Puis je l'ai ce jeu là d'ailleurs, ah, j'ai vrai? Juste pas eu le temps de jouer encore. On jouera un moment donné peut-être, ouais. Là, ça serait pas pire. Moi l'Atari, j'en ai 5, mais on va faire ça vite. Comment passer à côté de la série Sword Quest? Ah oui, Sword Quest. Il y a Sword Quest Earth, Sword Quest Fire, Water, puis il y a Air qui a jamais existé parce qu'ils sont pas rendus jusque-là. Puis ça, c'est comme... C'était des jeux qu'Atari a sortis dans le temps avec des concours. Genre, tu participais à Earth, puis tu réussissais à passer le jeu, t'envoyais tes affaires, puis tu pouvais gagner une vraie épée en or, tu sais. Ah, ouais. Puis dans Fire, tu gagnais une vraie couronne, puis tout ça. C'était comme... vous irez voir la vidéo de ça, du Angry Video Game Nerd, là, sur la série Sword Quest, là. Totalement fascinant, mon gars. Okay. Fait que ça, ils pourraient le refaire aujourd'hui, tu sais, puis on pourrait jouer dans les mondes. Puis en passant, là, le Earth Fire, c'est très commun. Water, ça vaut genre 300-400$, là, ce jeu-là, à l'Atari. Puis Air a jamais existé parce qu'Atari a fermé boutique avant, genre, mais c'était dans les projets, tu sais. Fait que ça serait un bel hommage de refaire ça. Puis c'était tous des mini-stages, tu sais, différents, avec des épreuves, tout ça. Il y aurait de quoi de beau à faire avec ça. Sinon, un des plus puissants jeux d'Atari qui existe, tant qu'à moi, c'est Hero. C'est un jeu de Activision où est-ce que t'es un dude avec un genre de backpack d'hélicoptère, puis tu descends dans les cavernes vers le bas pour aller secourir des gens qui sont pris dans le fond des cavernes. Ah. T'as des araignées, puis tu mets des bombes, la dynamite pour péter des murs, puis t'as des murs de lave qu'il faut pas que tu touches, il fait noir. T'as un petit laser. Je te dis, c'est un jeu d'Atari très, très, très complet. C'est surprenant comment c'est vaste. C'est plus complet qu'Adventure? Adventure? Oh oui, totalement, totalement. Là. C'est un jeu d'Activision, puis c'est vraiment... C'est deep. Tu sais, Pitfall 2 est quand même assez complet. Ouais. Mais je trouve Hero plus le fun. Puis vraiment big. Ça, c'est vraiment génial. Ils devraient refaire ça. Pitfall aussi, ils pourraient bien le refaire. Pitfall, ils l'ont fait au PlayStation 2. Oui. Il y a eu Pitfall de Mayan Adventures. Tu as même mis la toune dans le dernier Retro Nouveau. Ça, c'était sur PC puis sur, il a sur, eu sur Super Nintendo. Non, Pitfall de Mayan Adventure, il l'a eu sur PlayStation 2. Ben, je l'ai à vendre au Super Nintendo présentement. Je vais pas t'obstiner. Non, mais je l'ai vu. C'est parce que j'ai vu une vidéo de la version PlayStation. OK. Parce que justement, j'ai fait la recherche parce que moi, je me disais Pitfall, ça serait bon qu'il y en ait. J'allais voir toute la Legacy. Puis, il y a un Pitfall qu'il y a eu sur PS2 avec l'espèce de gars qui a l'air d'une fille coiffeuse weird. Ouais, c'est ça. Mais, oui. Ah ben, c'est bizarre ça, je savais pas. Lieu. Bon, d'ailleurs, ben, donc, là, je vais le rechercher ben, là, parce que là, tu me fais douter. Ben, j'aimerais bien ça qu'il le fasse justement plus à la... Moi, j'ai à la Uncharted. À la Uncharted, c'est ça que j'allais dire. Ben, oui. Ça serait le fun, tu sais. Et puis, Stampede aussi. Je sais pas comment est-ce qu'on le ferait, genre de jeu que tu cours à d'autres chevals pour attraper des veaux. Un des premiers jeux de cowboy de western qu'il y a eu. Peut-être que je le ferais en first person, tu sais, tu vois juste comme tu cours après partout dans un champ, whatever. Ça pourrait être drôle, ça. Ça serait un bel hommage. Excusez-moi, c'était pas The Mayan Adventure, c'était The Lost Expedition. Ah, c'est ça. Puis t'es vraiment une fille. Puis t'es vraiment... Non, c'est un gars. Hein? C'est un gars, ouais, ça? Ouais, c'est un gars. Oh boy, oh boy. Il fait dur. Il ressemble comme à un très, très mal fait Conan O'Brien. Puis je pense que... Je pense aussi que... Parce que là, je fais un search de Pitfall. Il y a eu Pitfall The Big Adventure sur la Wii. Ah, ouais. Pis je le savais même pas. Tu me le montreras. Hey boy! Ok, je comprends pourquoi ça existe plus. Ah ouais. Regarde l'image, c'est dégueulasse. C'est Tintin. Là. C'est comme un Tintin Fisher Price qui. Avec un Wiimote dans la main, pis c'est Activision qui fait ça, pis tous les ennemis ont l'air super contents de te rencontrer. Là, t'as comme une espèce de scorpion qui est comme hey, c'est un... fun, je vais te faire mourir. C'est vraiment un comique pour enfants. Là. C'est donc bien pas ça qu'on veut. Fait que non, Pitfall, you're doomed. Bon, sinon, à l'intellivision, j'avais mon Night Stalker que j'avais parlé à l'épisode d'Halloween. Je veux qu'il le fasse. First person avec des robots qui courent après pour te tuer, puis des toiles d'araignée, puis de la musique louche, sombre, puis de la grande dépression. Ça serait malade. Sinon, t'avais-tu d'autres vieilles consoles, toi? Moi, après ça, je m'en vais au NES. Bon, ben c'est bon, vas-y, on est rendu dans le NES. Ben moi, dans le NES, check, on peut y aller un jeu. Je vais sortir mon crayon, peut-être je vais en barrer. C'est sûr. Moi, je commence par ce qui est, d'après moi, le choix le plus logique sur NES, puis je l'ai vu dans vos choix sur Facebook, et c'est Star Tropics. Ouais. Star Tropics, il y a eu un premier, il y a eu le deuxième, puis... Zoda's Revenge, ouais, le deuxième Zoda's que ça Revenge. On mérite tellement d'en avoir un troisième, puis il y a tellement de potentiel ben oui. pour ce jeu-là. Là. C'est tellement fun, un univers original, oui. les tropiques. Ben c'était oui. tout happy, la musique était géniale. C'est comme Zelda, mais ailleurs. Oui. Puis c'était parfait comme ça. C'était super bon, puis je veux dire, les deux jeux ont été un succès phénoménal. Ben oui. Il y a eu deux Nintendo Power que le cover était pour Star Tropics. Tu sais, du gros, du covering, coverage. Ouais. Tu sais, ils ont couvert ce jeu-là en malade, Nintendo. Non, ils l'ont vendu. Ils en ont vendu des tonnes à Noël. Tu sais, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. C'est ça a marché. Ça a marché. Puis là, pourquoi nulle part? Il n'est pas apparu nulle part. Ni ben sur ouais. Nintendo, ni sur la GameCube, ni sur la Wii. Tu sais, c'est comme... Nulle part. C'est incompréhensible. Moi, je suis vraiment comme « Fuck, qu'est-ce que l'attendre? Star Tropics! » Non, non, ça n'a pas valu. Premier jeu. Moi, j'aurais Wrecking Crew. Ah, ben oui! Qui est disponible sur la 3DS aussi en classique. C'est un genre de Mario. Tu peux jouer en co-op. Pis oui. Il faut tout que tu pètes avec ton marteau, ce qu'il y a dans l'écran. T'as des bébites qui te courent après. T'as 100 stages. Tu sais, ça se passe par... ça monte bien haut. Faut tout casser. Oui. C'est un jeu qui est super le fun. C'est le fun de jouer à deux aussi. C'est imagine, cool. mettons, sur la Wii U, Wrecking Crew. Tu joues à quatre, puis il y en a un qui fait quelque chose avec le gamepad ou whatever. Ça serait malade comment ça serait trippant. Là, c'est vrai que ça serait ça cool. Ça serait un méga bon jeu de party. Hein. Très bonne idée. Moi, deuxième choix, c'est un de tes meilleurs jeux à vie, c'est Journey to Sirius. Ouais. Parce que quand même, c'est Journey to Sirius. C'est clair. C'est pas un jeu connu, tu sais, mais c'est un jeu, comme on disait... Mais moi, celui-là, je un le jeu ferais oublié. En... Ouais, je le ferais en remake. Ouais. Je le ferais un peu comme Bionic Commando Rearm. Ouais. Vraiment refait, repensé. Moi, j'ai 2D encore, platformer. C'est ça, 2D, mais 2D, 3D. Bonne musique. Bien travaillé. Plus de stages aussi. Ouais. Parce que là, c'était pas si long. Mais ça serait dur de recapturer l'ambiance qu'il y a au NES, là, parce que c'est tellement un beau package. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais refait un Duck Hunt? C'est vrai! C'était quoi de faire un Duck Hunt? Ça, oui, là. C'est super vrai, facile. Ça n'aurait rien coûté. Voyons donc, c'est, tout le monde veut jouer à Duck Hunt encore. Oui. Là, puis, je sais pas, moi, tu peux pousser ça plus loin. Là, les canards, c'est une chose, les pigeons d'argile. T'sais. Mais il y a peut-être d'autres ambiances, là, d'autres affaires. C'est vrai. Shooting range western, whatever. T'sais. Peut-être tu pourrais tirer le chien maintenant. Ben, ça, tellement, mon gars. Là, tu pourrais tirer le chien. Satisfaction, mon gars, pour tous ceux-là qui ont 30 ans et plus. Mais ça serait cool, là. Ouais, ça serait cool. Ça serait pas compliqué, là. Mais non, avec une Wii Remote, là, voyons donc, on devrait faire ça, tu sais. Colin. Moi, troisième jeu, Battletoads. Ben oui, je l'ai, moi, avec Battletoads, man, sont tellement cool. Depuis qu'ils ont teamé avec Double Dragon, il s'est rien passé, hein, je pense. Non, puis j'ai fait des recherches. Ouais. Puis les créateurs de Double Dragon Neon disent que si les fans le demandent en assez grande quantité, ils vont apparaître en DLC dans Double Dragon Neon. Tu vas pouvoir jouer avec les Battletoads. Ça serait malade, ça serait mon écœurant. Hey, imagine comment ça serait hot. Ça serait écœurant, mais tu sais, ils ont les droits pour tout faire. Là, okay. Ils peuvent mettre les Battletoads où ils veulent. Là, ils ont les droits de Rare. Wow. Mais regarde, moi, je pense que d'après moi, ça se travaille. Parce que tu vois, au moins que les créateurs, ils l'ont encore dans la tête. Ils l'ont sur le cœur. Double Dragon, là, Battletoads, c'est pas loin. Ça serait épique. Ça serait écœurant. Adventure Island. Oui. Ça, c'était cute, ça. C'était cool, Adventure Island. Tout le monde aimait ça, Adventure Island. J'ai un gros fan, moi, d'Adventure Island. Il y en a trois au NES, il y en a deux au Super NES. Il y en a un sur la Wii. C'est de new Adventure ou A New Beginning. Pour vrai? Oui. Hey, j'ai donc bien mal fait, mais j'ai pas fait de recherche. Et voilà. Ben, je n'ai pas entendu parler. Ça veut dire que c'est pourri. J'avais joué. Comme Pitfall. Je l'ai downloadé, man. Puis ah ouais? C'est poche, là. C'est vraiment poche. C'est du level design fait par un enfant. Ah! C'est vraiment à quoi ils pensent, mal les gens? Fait, là. Puis, tu sais, c'est. Ben, c'est passé. C'est souvent un quick cash-in. Là, ils ont voulu faire d'argent avec la licence. Puis c'est à cause que sur la ça Wii, la licence, sur la Virtual Console, il y avait un trip de refaire ces Rebirth. Là. Mm-hmm. Ça a donné naissance aussi à d'autres créations. Mais ça, c'était tout Konami, par exemple. Là. C'était tout Konami, mais ça a donné des idées aux autres. Ils ont fait Blaster Master aussi. Blaster Master Overdrive, ça vient de cette espèce d'idée-là. Ouais. Puis, c'est ça. Lui, il vient de la même idée, okay. Mais dépense pas d'argent là-dessus. OK, ça m'a coûté 10$ que je retrouverai jamais. À ton lunch perdu, man. Mon lunch, man. Mais j'ai joué à ça pendant une journée. Ça nous a toujours effiloché avec une route bébé une frite. Colin! Mais j'ai joué à ça pendant une journée en me disant « Je vais aimer ça. » J'ai détesté ça pour mourir. Là. Puis après ça, je suis allé me downloader le premier Adventure Island sur NES. J'ai comme... C'était quand même chiant, mais c'était quand même pas mal meilleur. T'sais. Fait qu'en tout cas... Ouais. Coudonc. Sinon, quoi d'autre, toi? Sinon, moi, je suis rendu à Ikari Warriors. Oh! Man, des vieux jeux comme PAL, tu sais, Prisoner of War, puis tout, que SNK mais avait Ikari, fait. On se voyait de dessus. Ouais, on se voyait de dessus. PAL, c'était comme Double Dragon. PAL, tu te voyais de côté, comme Double Dragon. Mais tu sais... Mais toi, t'aimes ça, les prisonniers de guerre qui s'évadent. Oui, les prisonniers de guerre qui s'évadent. Il y en a pas assez, tu sais. Maintenant, c'est comme, t'es pas un prisonnier de guerre. Maintenant, t'arrives dans le top, c'est comme, il y a un otage à Washington. Là, t'arrives avec ton gun, clac, clac, clac, clac, clac. Tu sais, tout le monde. Non, non, moi, je veux être le prisonnier, man. Ouais. Moi, je veux me sauver. Toi, t'es Rambo, puis tu veux te sauver. Moi, je suis Rambo, tu sais. C'est ça que je veux. Fait que, Ikari Warriors, moi, c'est ça que je veux. Puis je veux que le président, ça soit Ronald Reagan, man. Puis qu'il mange un cheeseburger. Il mange un cheeseburger. Puis je vais avoir, justement, tu sais, you're the best. Hello. Moi, je veux celle-là. Je veux la toune de Rocky. Puis, tu sais, en tout cas, je veux que ça soit super cheese. Puis que ça soit Ikari Warriors. J'avoue. Fait que, ouais. Hey, pourquoi pas un petit Rad Racer? Eh, hey, ben oui! Un jeu de course, là, Rad Racer, tu sais, comme moderne, là, ouais. Clean, là, avec... Ça serait un remake, par exemple. Pourquoi pas vraiment faire de suite à ça, là? Non, ben, il y a eu le 2 au NES, ouais, mais c'était un vrai. Autre jeu. Et peut-être le faire sur 3DS. On aurait un vrai 3D, finalement. Un vrai Rad... Au lieu de l'avoir avec tes lunettes jaune et bleue, tu sais. C'est une ça bonne serait idée, quand même ça. Pas pire, ça. Tu rajoutes des twists un peu, là, mais... Tu sais, ça serait ça serait fort agréable parce qu'ils ont jamais... C'est Square qui faisait ça, d'ailleurs. Hein? C'est Square qui faisait ça. Puis il n'y en a jamais eu d'autres après le deuxième. En tout cas, j'espère au moins qu'ils essaieront pas de faire une histoire comme dans ton Centipede. Ça sert tellement à rien. C'est clair. Moi, après ça, un autre jeu de guerre, man. Moi qui dis comme, non, je veux pas de jeu de guerre. Ben ouais, t'es bien. Mais les vieux jeux de guerre, j'aimais ça. Puis Jackal. Ben oui. T'sais, comment passer à côté. Classique, comment passer à côté. On aurait pu dire que Renegade Ops, comme je l'avais critiqué l'année passée, est un peu... C'est un genre de Jackal, c'est ça. Fait que, tu sais, on l'a eu un peu, mais... C'est pas Jackal. C'était pas écrit Jackal dessus. C'était pas écrit Jackal. Puis tu jumpais pas assez avec ton truck. Je mets ça dans Jackal quand t'allais vite. Puis tu jumpais. Ça jumpait dans Jackal. C'était-tu dans Jackal? Non, ça, là, c'était dans Breakthrough. Breakthrough. Fuck, Breakthrough. Le Data East, là. C'était cool, ça. C'était Breakthrough. Cool. C'était dur en salle, c'était mon gars. C'était super dur. Ouais, ouais. Hey, fuck, je le veux, lui. Ah, il est pas cher, man. Je pourrais sûrement te le trouver 5$ facile, là. Ah, c'est-tu, man, je veux ça, Breakthrough. Parce que c'est ça. Je pensais à Jackal. Je me disais, c'est quoi le jeu? Je jouais de côté. Puis je jumpais. C'est ça, puis c'est tu ça. Tirais, puis t'as des ponts là-dedans, oui. Puis des trous, puis des missiles qui tombent sur la tête, man. Oh, man. Ça, c'est un jeu de par cœur, tu sais. Ouais. T'apprends par cœur. T'apprends là, les patterns. C'est ça, c'est ça. Ah, oh, man. OK, Breakthrough. Breakthrough. Moi, j'aimerais bien... What the fuck, Cobra Triangle? Un jeu de rare qui était excellent. C'était hyper original, ça. Genre de compétition de bateau, tu sais. Je comprends pas c'était quoi le but, là, mais... Mais c'était le fun, j'aimais le contrôle. Le contrôle était top, mon gars. Tu jumpais, t'avais des power-ups, t'avais des boss, t'avais des tonnes d'épreuves différentes. C'était, ça se répétait pas, tu sais. T'avais des avions qui t'attaquaient, tu sais. C'était incroyable tout ce qu'il y avait dans le jeu-là. Puis moi, je trouve que c'est une super de bonne idée. Ben oui. C'est comme des avions, voyons, comme du jet boat là, sur des lacs puis sur des rivières. T'sais, c'est fou, pareil. Pourquoi ça? T'sais? Pourquoi, pourquoi un jeu de bateau sur des rivières avec des sapins? T'sais? Pourquoi le cobra? Ouais, cobra. Ben, triangle des Bermudes, t'sais, mais ça se passait pas aux Bermudes pantoute. Il y avait des sapins et des billots dans l'eau. On dirait que ça se passait au Canada. T'sais. Ouais. Mais moi, c'est ça que j'aimais. J'ai tout le temps trouvé que c'était une belle idée. J'ai tellement aimé ce jeu-là. C'était un bon jeu. T'sais. Mais j'en crisse parce qu'il n'y avait pas de continue vraiment. T'sais, c'était... Ah, il y en avait. Il n'y en avait pas assez. T'en avais pas toujours. Moi, j'aimerais ça un jour jouer à Cobra Triangle avec plein de continues sans arrêt. Là. Ah, ben écoute, j'ai un Game Genie puis j'ai un Cobra Triangle avant. Je pourrais te plugger ça. Et voilà. Moi, à part de ça, il y a Abadox, qui est un jeu moyen quand même. J'ai jamais joué. Sur Nintendo. Ben, c'est parce que c'est un. Abadox a reçu bien de la marde. C'est un jeu de Milton Bradley. Puis c'est un rip-off total de Life Force. Ah ouais, ok. C'est même, à la limite, là, j'ai l'impression qu'il s'en cachait même pas. Là. Mm-hmm. Parce que c'est sorti à peu près dans le même temps. Puis t'es comme une espèce de cosmonaute, puis tu tires des bébites dans l'espace. T'sais. J'ai quand même vu des bonnes critiques de ça. C'est un bon jeu, mais les gens sont comme pistes à cause que ça rappelle plein d'affaires de Life Force, autant dans la façon de jouer que dans les monstres puis tout ça. T'sais, ça fait vraiment genre, ils jouent au jeu, ils check Life Force en même temps à côté, puis comme, OK, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. T'sais. Ouais. Mais l'univers est intéressant, c'est comme un shmup de Dead Space. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça serait cool. Ouais, ça serait ça. C'est gory, cool. Ce jeu-là. C'est très là. Gory à Badox, contrairement à Life Force qui est quand même clean. Ben, t'as des tableaux de Life Force et de Gradius qui sont un petit peu plus gore. Ouais. Là, comme dans Contra, t'as des cerveaux, comme de la matière. Mais là, là-dedans, t'as beaucoup des trucs beaucoup, qui dégoulinent. Ça, là, même ouais. le logo d'Abadox, moi, je le veux sur un t-shirt. Ah, ben, oui, hein. tellement Abadox en sang, tu sais, c'est génial, ça. Moi, j'aimerais bien un Skate or Die aussi. Oui. Je sais que la folie des jeux de skate est passée, là, mais il y avait de quoi de cool dans Skate or Die. Moi, je le ferais rétro. T'sais. Mais c'est ça, tu genre, le fais. Yo, Radical, t'sais, pis tu manges des tacos, man, puis tu upgrades ton skate. T'achètes le Thrasher Magazine. Ben oui, c'est ça. Puis t'as tes lunettes, puis t'aurais un vrai soundtrack de, c'est quoi, du DRI, de punk man. Rock de, dans ce temps-là. Du DRI, du Melon Collin, du NoFX, du Bad Religion. Ça serait... Ça serait tellement ça serait hot, cool. Puis il y avait des personnages là-dedans, oui. dans le 2, là. T'avais Ronnie, t'avais Lester, ouais. t'avais la fille, j'ai oublié son nom. Toi, t'étais un dude. Puis là, à un moment donné, la police, là, les méchants de ouais. police, ils voulaient démolir la rampe de skate, man. Fait que là, tu ramassais du cash pour en faire construire la rampe. Là. Ouais. Puis là, tu ramasses des tacos, puis t'avais un paint gun aussi pour ouais. attaquer les méchants, puis les faire bêcher. Tu skatais dans le centre d'achat, tu skatais à la plage. Tout ça sur une trame de musique malade, ah, mon gars. Là. C'était tout un univers. Skate ouais. or Die. Il y a eu deux Skate or Die au Game Boy aussi. Ouais. Bad and Rad, qui était plus comme un platformer. Puis Skate or Die Tour de Trash, qui ouais. était commandité par le Santa Cruz Skateboard, mm-hmm. d'ailleurs, qui était pas mauvais. Ouais. Mais il n'y a jamais eu d'autre chose à Skate or Die. Du moins, j'ai rien vu, moi, là. Mais je l'ai aimé, moi, le platformer sur Game Boy, j'avais vraiment aimé ça. Il est tough. Il est vraiment tough. Ouais, mais je viens juste de le racheter, cool, ce jeu-là. Puis là, c'est donc bien cool. Ouais, c'était cool, là. C'était cool à Zeiss. Mais ouais. Quand t'as le prêté, mon gars, là, tu vas capoter comment c'est dur. Mais il y avait 720 aussi, 720 degrés. Je l'ai jamais essayé, ce jeu-là. Il était le fun. C'était comme le Underdog. Il me semble ouais. que c'est Jaleco qui ont fait ça. Oui, mais c'est eux autres. C'était à l'arcade, ça aussi, d'ailleurs. Oui. Mm. Mais oui, les jeux de skate, mais jeux de skate années 80. Ouais, oubliez ouais. le wackiness, je trouve, avec Tony Hawk. Puis tout, eux autres sont allés vraiment dans le skate, c'est cool, that's it. Mais tu sais, je le ferais qu'ils jouent comme Tony Hawk parce que c'est ouais. trop hot de jouer Tony Hawk style. Oui. Mais ça, j'adore ça. Mais tu sais, comme. Oui, mais j'aime les missions. De... L'émission épaisse, là, c'est que ça. T'es là, puis que la police te court après. Tu dis, come here, punk! c'est drôle, je sais pas, ça me tente. Ah oui. Moi, sinon, il y a Ghosts and Goblins. Puis Ghosts and Goblins, il y a eu des suites. Il y en a eu en tabarnouche. Ouais, il y en a eu beaucoup. Même que là, il y a eu les Gold Knight sur iOS. C'est les dernières versions qui sont sorties. C'est okay. comme des nouveaux Ghosts and Goblins. Mais c'est pas ça que je veux, moi, vraiment. Mm-hmm. J'aimerais ça avoir un Ghosts and Goblins, là, puissant, là, avec Arthur, tu sais. Il y avait eu Maximo, qui était sur PS2, qui était un genre de ouais. spin-off de Ghosts and Goblins. Mais... Moi, j'irais peut-être plus dans cette direction-là, mais avec Arthur, puis avec une vraie grosse aventure sur une console next gen. Il y en a eu un, c'est la PSP aussi. Il y a un oui. peu un Chronicle ou un Greatest Hits de toutes les aventures. Ouais, de... ben il y a eu ça, puis il y a eu ça, c'était dans la même série que Mega Man Powered Up. Ok. C'est Capcom qui faisait revivre leur licence, tu sais. Mais non, j'aimerais ça que ça soit un gros jeu, tu sais. À la limite, là, tu sais, le God of War de Ghosts and Goblins. Ouais, t'sais. C'est ça, un third person. Quoi de huge, là, ouais, t'sais. Ouais, c'est clair. Dans un c'est univers cool. Vraiment dégueulasse, là, ouais. Non, ça serait hot. Ben, d'accord. Sinon, moi, là, le premier jeu qui m'est venu en tête, en fait, quand on s'est dit qu'on allait faire ça, c'est Strider. Oui. Parce que il y a eu Strider 2 au PlayStation, puis that's it. Puis il était bon. Puis il était correct, tu sais. Oui. Ben, il était pas comme malade, mais il était correct. Puis l'ambiance, bon. Là, le personnage, quand il court, là, comme hyper penché par en avant, oui. Un coup d'épée, genre, ya, ya, ya! C'était malade. Ils ont ramené Strider et Ryu dans Marvel vs. Capcom. Oui. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Oui. Mais maintenant, donnez-y son jeu, tabouin. Ben oui. Qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est comme Arthur, il est dans Marvel vs. Capcom. Il y a plein de personnages qu'on aime, mais qui n'ont pas leur jeu. Ben, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, je vais acheter Metal Gear Rising immédiatement quand ça va sortir, oui. Puis ça va être mon Strider, tu sais. Oui. C'est ça, là. C'est vrai que c'est ça. C'est le même que je le vois, c'est le même que je l'aurais vu, Strider, tu sais, sauf pas dans un univers gris Metal Gear militaire, oui. Mais dans un univers ninja-esque, cyborg oui. bleu, spatial, tu sais. Je l'aurais vu, là, tellement, là, le personnage sûr. Est hot, puis, tu sais, il y a des chiens mécaniques là-dedans, oui. Puis il y a des robots géants, puis toutes sortes d'affaires, tu sais. C'est plus que Ninja Gaiden, c'est cybernétique, tu sais. Oui. Puis ça aurait été trop hot, tu sais, j'aurais... Un gros foulard cool, rouge ouais, là, qui flotte dans le vent, ouais. Super long en arrière, tu sais, avec le Cypher, l'espèce de gros épée qui ferait des slashes, même qui couperait des murs au complet. Il pourrait le faire pareil. Ça serait facile. Ça serait facile. Tu sais, je viens juste de tout te le scripter. Oui. Ça serait Capcom, trop. Hein. Capcom, là. Let's go, là. Voyons donc. Oh boy. Moi, sinon, un de mes meilleurs shmup à vie, Life Force, qu'on peut dire Salamander aussi. Toi, tu voudrais ce jeu-là refait dans Moi, je voudrais ce jeu-là parce refait. Parce que là, ils en ont fait des Gradius depuis c'est ça. C'est ça, là, exact. Il y a eu bien des Gradius. Mais moi, j'aimerais que Life Force, l'original, soit refait en 3D avec des bébites qui me font chier dans mes culottes. Puis qu'il y ait une version hardcore, expert, god, tu sais, vraiment des, d'autres versions, d'autres niveaux, okay. Que ça tire plus, que ça tire dans tous les sens, mais les mêmes tableaux, tu sais. Ouais, c'est ça, même revoir affaire. Les mêmes tableaux maintenant avec la même musique retravaillée, tu sais. Ah, la musique était bonne là-dedans. Oui, moi, c'est un de mes meilleurs jeux à vie, fait que je peux pas passer à côté. Là. Mm. J'aime ça, Gradius, mais Life Force, c'est le tien, une place dans mon cœur. Hey, pourquoi on n'a jamais eu rien d'autre que trois Wizards and Warriors au Nintendo? Oui, hein, c'est vrai. Hey, sur Facebook aussi, le monde disait ça. Oui, ouais, c'est Martin Hull, en fait, qui m'a mis ça sur, qui a mis ça sur Facebook, puis j'ai comme tellement allumé, moi, avec. Ouais. D'ailleurs, j'ai vendu le 3 en fin de semaine passée. Okay. Puis le premier... C'était génial. Ouais, c'est vrai. Le deuxième, comme vraiment dur. Le 3, j'ai même pas essayé, mais c'est pas grave. Parce c'est que... celui-là qui avait Fabio sur une des pochettes. Ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est, hein? En fait, c'est Iron Sword, Iron Wizards Sword. And Warriors 2. Donc, si vous le classez dans votre bibliothèque, ça commence par I, mais c'est Fabio sur le dessus. C'est un petit peu laid, hein, on s'entend. C'est dégueulasse. Mais cette série-là, c'était bon. C'était là, bon. C'était, ton personnage était cool, la musique ouais. était bonne. Tu sais, comme c'était médiéval, là, ouais. tu rentrais dans des arbres, des cavernes, tu glissais. C'est tout un. C'est vraiment une belle ambiance. Puis ils ont jamais. Non, pas ouais, eu au Super NES. Il s'est jamais rien passé de plus. C'est avec qui c'est Acclaim, ça? Acclaim, qui faisait ça. C'est peut-être pour ça aussi. Ben, Acclaim ont fait des jeux au Super NES, mais ouais. Acclaim, c'est à peu près 50-50, là. Ouais. Bon jeu, mauvais jeu. Puis ça, c'était dans le bon, tu sais. Mais on n'a jamais vu de suite de ça, puis ça serait pas pire, pas en tout. Ça serait cœur, hein? Ouais. Moi, c'est le NES, mon dernier jeu que j'aimerais qu'il soit refait, s'il vous plaît, ça serait Power Blade 3. Tu veux un 3? Je veux un troisième achetable, parce que le 2... Parce que le 2, en plus, il était pas bon, là. Non? Moi, j'ai joué au deuxième quand j'étais jeune. OK. Puis c'était pas super comparé okay. au premier. Puis c'est ça qui est drôle, parce que je me suis dit, ah, c'est peut-être dans mes souvenirs, peut-être que j'étais juste poche, fait que j'ai dit qu'il était pas bon. Puis j'étais allé voir, puis les critiques l'ont pas super bien reçu le deuxième. Okay. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de troisième. Mm. Parce que c'est un jeu qui est parti avec un bang, là. Ouais, c'est tout le monde l'attendait. Puis le deuxième, ça a pas fait l'effet escompté parce qu'il était plate. Ça, on le verrait en 2D platformer. Moi, je le verrais, lui, ouais. je le verrais en 3D. En 3 oh, en third person. Ouais, third person ouais. avec un boomerang puis tout le kit. Là, ah, mais, j'avoue que ça le ferait. Ça serait écœurant, puis que tu puisses te transformer en robot là. Ouais, ouais. N'importe quoi. Un dernier jeu de course, Micro Machines. Ben oui! Ça serait tellement sweet! Ça serait cool! Ce jeu-là, c'est super le fun de chauffer ton Jeep dans les céréales puis dans le miel. Ouais. Ou bien ta Formule 1 sur la table de poule, ben oui. dans le jardin puis tout ça. C'était fait par Camerica. Oui. Puis je sais pas qu'est-ce qui arrive avec cette licence, ces jeux-là. En fait, c'était pas des jeux Ils qui ont sont, recréé... Mais un moment donné, j'ai eu... Je pense que c'est à 64 qu'il y a eu un jeu de Micro Machines. Il y a eu un jeu de Micro ouais. Machines, c'est à 64. Mais je sais pas qui l'a fait. Mais il y a eu, admettons, si tu veux ton fixe dans le genre de char RC, il y a MotorStorm RC. Ah ouais? Que c'est pratiquement la même idée que Micro Machines parce okay. que c'est des chars téléguidés à la place okay, okay. dans un gros environnement. C'est intéressant, mais Micro Machines, ce qui faisait que c'était vraiment cool, c'est que tu voyais du top. Ouais, c'est ça que je veux, moi. Moi, c'est ça que je veux, c'est ça. Maintenant, je l'ai vu en 3D puis tout, je suis comme, je suis pas sûr. Moi, je veux être du top, là. C'est ça qui était le fun. Puis je veux me promener dans le jardin, puis je veux me promener sur le divan, tu sais. Oui. C'est des petites autos dans une maison, dans le fond. C'est ça qui était. Ah, c'était cool. Ben, ça. Sweet, c'était puissant, ce jeu-là. C'était mais vraiment, vraiment bon. La musique était. La musique très était cool. cohérente, mais il y a trop de dedans que je peux pas mettre dans Rétro Nouveau. Ben, on la mettait, en fait, la toune de la discussion, là, ça, c'est la toune de Micro Machines, en passant. Fait que ça crache dans le micro. Ouais, ça crache, mon gars, ça pique assez rapidement. Ouais. Fait que moi, je sais pas si t'as d'autres jeux de NES, parce que... Ben, j'en ai deux, mais je vais juste les nommer. Little Nemo de Dream Master. Ah, ben oui. Ça serait super cool de revoir ça. Puis Faxanadu. Mériterait. Ah, oui. C'est un RPG, ça, comme action RPG à la Zelda. Là, ça ressemble vraiment à Zelda. Ça le ferait super bien. Fait que vas-y au Super NES. Super NES, t'en as parlé plus tôt dans l'émission, Super Smash TV. Oui. Hey, Smash TV, good luck, you'll need it. C'était cœur. Ça serait vraiment. Ça serait vraiment cool, tu sais. Ça, puis Total Carnage, là, tu sais, je veux dire, c'est deux jeux dans le même genre, mais. Super Smash TV, c'est un reality show. C'est le meilleur show, concept des deux. C'est ça. C'est ça. Puis ils l'ont, tu sais, c'est un battle arena dans lequel tu meurs, tu sais, c'est The Hunger Games, c'est la cible avec Jean-Claude, Hard Target avec Jean-Claude Van Damme. Pas Total Recall, mais voyons, Colin, Running Man. Running Man, absolument. Fait que non, moi je trouve que ça, en 3D, là. Ah, tu sais, en chess avec tes culottes bleues, là, puis ton casque d'hockey, puis t'es là, travaillant dans chaque main, à ramasser de l'argent à terre, ça serait malade. Ça serait que. Tu sais, il y a des minions qui arrivent, juste des gars que tu shootes à mort, tu sais, il y en a 200. Il y en a plein. Tu tues 300 personnes, puis ça dérange pas, ça dérange pas un chat. C'est malade. On n'a pas le choix de nommer Earthbound, qui ben était non, assez unanime partout sur Twitter puis sur Facebook. Tu sais, personne. Moi, j'ai jamais joué à Earthbound. Moi, je jouais un peu, c'était pas mon genre de jeu, mais je comprends quand même. Mais moi, je veux jouer, tu sais. Puis j'ai pas 400$. Fait que. Puis il est nulle part. Puis, ça te prend un émulateur, puis ça te prend. Tu sais, faut le trouver ailleurs. Ah. Mais pourquoi? Tu sais, écoute, c'est un des jeux les plus populaires, là. Ben oui! Qui ont jamais refait, puis pourquoi est-ce qu'ils le refont pas? Personne le sait, tu sais. Ça appartient à qui, ça, d'ailleurs? Nintendo, je pense? C'est Nintendo. C'est un jeu directement de Nintendo. What's up? Tu sais, t'en veux-tu de l'argent? Tu peux en faire, là. Ouais. En tout cas, je dis ça de même, tu sais. Ouais. sinon, moi, il y a Sunset Riders. Ouais. Hey, Sunset Riders, c'est un jeu de cowboy, premièrement. On est tout le temps dû. Ouais, c'est clair. Puis un jeu de cowboy avec un kit rose. Ouais, il faudrait qu'il garde les kits roses et les culottes vert libre. Un Mexicain avec un 12 dans chaque main. No, I'm mad. Hey, non, ça serait que. Bury me with my money. Moi, lui, je le verrais en 2D, mais 2D, 3D, là, vraiment un platformer de gauche à droite, là, mais tout refait. Là. Je le verrais, dans le fond, je le verrais comme Double Dragon Neon. Ouais, c'est ça. Même style, là, t'sais, cartoony un peu. Là. Ouais, ouais, ouais. Des sprites sont un petit peu plus petits, moi, peut-être. Là. Ouais. Plus de place dans l'écran, c'est je vrai, sais pas. Ça. Mais, ouais, j'avoue. Sinon, moi, ActRaiser. Hein, exact, j'avais la même aussi. Affaire, puis à la même position. Le 2. Ben, moi, j'avais pas donné d'ordre de prix de, moi, en passant. Là, oh, non, de non, préférence, non, mais dans là. Le sens que c'était mon troisième jeu que j'allais te parler. Mais c'est ça, ActRaiser. Le 1 était. Il y a eu un deuxième. Écœurant. Le deuxième, pas mal moins terrible. Bon, parce qu'ils ont tout enlevé le côté God Game. Puis c'était super le fun, le God Game là-dedans. Ouais. Tu sais, t'avais deux jeux en un, puis les deux étaient bons. Tu faisais du God, puis tu faisais du platforming, tu sais. Puis là, ben, dans le 2, ils ont enlevé le God. Ouais. Pour qu'une idée, pourquoi. Puis la pochette était dégueulasse. Ouais, mais la pochette japonaise était pas mal plus belle, par exemple. Ah, je l'ai pas vue. Mais c'est ça. Ça mériterait totalement d'en refaire un nouveau, tu sais. Puis imagine comment ça pourrait être un jeu qui est long. Comment ça pourrait être deep, cette histoire-là? Parce que c'est Dieu qui descend sur la terre, tu sais, puis c'est comme... C'est peut-être tout ce côté-là qui fait que ça ne fonctionnerait plus parce qu'il y a un gros côté biblique à la chose, fait que peut-être que ça aide pas. Ben, il pourrait peut-être le cacher ou le jouer autrement. Mais tu sais, c'est l'évolution, là. L'humain arrive, puis l'humain a besoin de se vêtir, l'humain a besoin de manger des céréales, ils ont besoin de se créer des affaires. Fait que c'est vraiment, c'est l'humanité que tu construis. Là, c'est écœurant comment est-ce que tu pourrais avoir du potentiel puis que ça pourrait aller loin dans l'histoire là-dedans. Là. Et c'est qui avait ça? C'est Enix, donc ça appartient à cette heure à Square Enix. Alors, faites ça. Faites un jeu. Moi, il y a UN Squadron. Ouais, c'est un de tes grands favoris, ça. Là. J'adore UN Squadron. Puis c'est ça, il y a eu Carrier Air Wing en 1990, qui était dans le fond une suite à UN Squadron. OK. Mais moi, je veux une suite à Carrier Air Wing parce que c'est UN Squadron, c'est comme des vieux avions des années 40 avec Star Fox. C'est le même genre d'affaire parce que t'avais ben, comme tu des vois de côté, là, par exemple. Tu te vois de côté. Mais oui, t'as des petites communications mais les qui apparaissent. Les petites communications, c'est pareil comme Star Fox, tu sais. Puis non, moi je trouve que ce côté un peu... Ben c'est plus récent que les années 40 comics, quand même, UN Squadron. Ben t'as choix entre trois personnages, le moustachu, lui il a comme une vieille avion là. Un vieil avion. Ouais. Excuse. Un avion. Un vieil avion. Wow. Non, j'étais à l'école. Français 101. Puis c'est ça, mais l'univers est pas... c'est pas la Deuxième non, Guerre mondiale. Non, vraiment pas. C'est juste le style des avions. Ouais, tout c'est ça. Ça c'est quasiment, à la limite, c'est quasiment cyberpunk ouais. un peu. Là. Ouais, ouais. Mais moi, j'aimais le style, j'aimais la musique puis tout ça. Ouais, puis ouais, c'était... Je le verrais un peu comme... moi, j'ai un de mes meilleurs jeux, mes meilleurs chemins, c'est Cinemora. que j'ai critiqué à Monsieur Net, qui est un exclusif Xbox, hein? Ou Xbox. Ah oui, ça a l'air bon, ça. Il va s'en aller sur PS3. Hey boy, yes. Puis ça a pas mal été mon fixe de UN Squadron, parce que c'est okay. Un peu le même genre de jeu. Fait que... Mais quand même, UN Squadron. Au pire, on va essayer de le trouver au Super NES. Eh oui. Si je le veux, moi, avec. J'ai jamais tombé dessus encore. Moi, j'ai plus du Super NES, déjà. Oh. Je sais pas pourquoi, ça m'inspirait pas. Moi, j'en ai trois. On pourrait dire tous les RPG du Super NES, ouais. En passant, là, très ça, facilement. Sûr, Chrono Trigger, Secret of Mana, Secret of Evermore, bon. Mais vas-y. Moi, j'en ai trois. J'ai Sky Blazer. C'est bon, le jeu. C'est super bon. C'est un platformer d'action qui ressemble à Actraiser. Ouais. Puis la musique est malade, là. C'est vraiment un bon jeu. Ça, c'est vraiment un hidden gem. C'est ça. C'est underrated au max, là, ouais. Tu sais. Non, c'est un hidden gem parce que tout le monde qui l'a essayé, ils ont aimé ça. Oh. D'ailleurs, je l'ai à vendre ici. Là. Oh! Puis il est à peu près 25$, je le vends, je pense. Ouais. C'est à peu près sa valeur. Puis j'ai vraiment envie de le garder parce que moi, j'avais loué ça dans le temps. J'ai aucune idée. Puis j'avais comme vu ça. La pochette est comme un peu... Ça a l'air un peu niaiseux, moyen, t'sais. Mais quand tu regardes les images en arrière, ça a l'air ça cool. Va, ouais, ça va mieux. Puis c'est vraiment bon. C'est super bon. Le platformer, encore une fois. Oui, avec une épée puis tout. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme une armure, là, tu sais. Mais non, c'est un super bon jeu. Fait que ça mérite tellement une suite, là. Il y a Super Turrican quand même. Il y a eu un premier puis un deuxième. Il y en a eu au Genesis aussi. J'ai jamais joué à ça. Puis je l'ai à vendre encore. Il en faut un troisième. Ouais. Là, c'est super bon, Super Turrican. Même genre. Puis quand même, F-fucking-Zero. Ben. Tu sais, il y a eu Climax sur le Game Boy Advance. C'est la dernière version qu'on a eue. Ah ouais, pour vrai? Il y a eu aucune version HD. Hmm. Puis c'est un jeu. F-Zero, là, c'est ça qui a inspiré Wipeout. Ouais. Non, mais là, c'est Wipeout qui prend le dessus sur F-Zero. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ben, on a eu le Captain Falcon dans Smash Brothers. Ouais, je dis, c'est pas un film. Mais c'est pas pareil. Ça, c'est comme tantôt, tu disais, tu sais, un Strider, il était dans Marvel vs. Capcom. Non, ouais, c'est juste pour dire, ils l'ont pas oublié encore. Non, ça veut peut-être dire qu'il va en avoir un moment donné. Non, puis il va être là dans Nintendo Land. Mais c'est juste des petites. Tu sais, comme, tiens. Un paquet de mecs croquettes. c'est ça. T'as rien, là. T'as pratiquement rien. Fait que non, on a besoin d'une suite. Ouais. Fait que je suis prêt à passer à une autre console. Ben moi, il me reste rien que deux jeux, en fait. Là. Moi, il me reste une méga liste de Genesis laquelle je vais passer assez rapidement. Il faudrait qu'on coupe un peu, là. Ça fait combien de temps? Moi? Non, je le sais, mais regarde, je vais passer vite, OK? Moi, j'en ai un au Genesis, jeu. Là. Moi, Genesis, je commence Brightstar. Oui. Un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué dans ma vie. Puis, il mérite tellement un remake ou une suite parce que c'est un super bon jeu. Ça, c'est vrai que c'est un hidden gem parce qu'il n'y a personne quasiment qui a joué à ça, bizarrement. Tu sais. Il est sur la Virtual Console. Allez downloader ça maintenant. Il y a eSWAT, un de mes jeux préférés d'arcade. Ça, c'était comme Rolling Thunder. Vois-tu mes yeux de biche sur le milieu de l'autoroute? T'as vraiment l'air égaré. Non, c'est ça. Ça, c'est comme... Imagine, OK, tu te souviens de Rolling Thunder? Ouais. Rolling Thunder, qui est aussi un de mes meilleurs jeux à l'arcade, puis il y a eu plusieurs genres de jeux dans la même façon, que t'avances de gauche à droite, tu tires, tu peux sauter sur un étage plus haut, puis tu peux te pencher. C'est juste ça. Puis ça, c'est Rolling Thunder mélangé avec Robocop. Fait que là, tu peux, quand t'as tué assez de bad guys, tu peux te transformer en robot. Okay. Fait que là, tu deviens un espèce de gros mec, puis tu tires tout le monde. Wow. C'est écœurant. Il y a Subterranea, qui est un shmup dans le genre... Tu sais, ça fait penser à Pixel Junk Shooter quand tu penses au concept et tout ça, parce que tu ramassais des choses avec ton vaisseau, un peu comme tu fais dans Pixel Junk avec les espèces de petits bonhommes qui sont pognés dans un souterrain. Ouais. Il y a Cheeky Cheeky Boys, qui est un hidden gem complet. Oui. Ça, c'est genre... ça ressemble à Mario avec une épée. Puis le style visuel, ça ressemble à Bunk. OK. C'est super cool, vraiment cute. Mm. Des gros personnages. Vraiment le fun. Super bon platformer. Il y a Super Fantasy Zone. Ça, il y a juste le Genesis qui était bon pour faire ça. C'était un shmup, mais cute. Ouais. Genre, c'était des petites couleurs roses, puis bleues. Il y a eu Turbo Graphics 16, il y a eu NES, il y a eu Sega Master System. NES était fait par Tengen, par exemple. C'est mais ça, il y a eu au NES, hein? Ouais, ouais, c'est fait par Tengen. Ça ne coûte pas trop cher. Mais c'était le fun. Moi, j'ai bien aimé ça, ce shmup-là, fait que j'aimerais ça. Un autre, je suis persuadé qu'il fait partie de ta liste, Comic Zone. Ouais, ben ça serait Comic bien. Comic Zone, ça serait bien. Là, faudrait un rebranding, le remettre à jour, là, tu sais. Non, ça ferait puis plus long. Puis, oui. S'il vous plaît, à tweaker le soundtrack. En fait, tous les jeux de Genesis, il faudrait améliorer le soundtrack. C'est les musiques sont le fun, mais c'est rien. Ouais. Ça dérange au bout. Non, moi, le seul jeu que tu l'as pas, que j'ai, tu l'as pas nommé encore. Colin, bon, je vais continuer ma liste. Il y a Ranger X, qui est un shmup avec un véhicule au sol. Dans le fond, c'est comme t'étais un bonhomme dans les airs avec des canons dans le dos. Ouais. Puis tu pouvais tirer, puis t'avais un véhicule en bas qui te suivait, puis tu pouvais te connecter à ton véhicule puis devenir un genre de tank. OK. Malade. Il y a Micro Machines qu'il y a eu sur Genesis aussi. Moi, c'est ça. J'ai joué beaucoup sur Genesis à Micro Machines. Fait que je l'ai noté à cet endroit-là, mais j'ai joué aussi au NES, dans le fond. Il y a Flink, qui est un super beau platformer. Je connais pas tes jeux, mon gars. Là. Man, Genesis, ben, j'ai jamais eu de Genesis. Fait que je sais, ben oui, j'en doute pas. Mais j'ai jamais eu de Genesis à m'apporter. Mais le Flink, c'est un jeu qui est super rare. Tu le chercheras, je sais pas si tu peux arriver à le trouver. Là, mais okay. c'est un super beau platformer. Ça ressemble un peu à Ristar. C'est comme un mix de Ristar, Mario puis Bunk. Okay. C'est super beau, super le fun. Il y a Strider. Duh. Ouais. Strider. Ouais. Gunstar Heroes. Oui, oui, bien qui sûr. Qui est comme un des meilleurs jeux que j'ai joué. Là. Vraiment, vraiment le fun. Dans le fond, on pourrait dire que Gunstar Heroes, c'est la version rétro de Vanquish. Parce que ouais, ça allait vite en esti. Ouais, c'est vrai que ça avait tout le temps. On a joué, j'ai joué à Tremblant pour la première fois de ma vie, man. Puis je suis mort. Comment? Ah ouais, on fait le tour du jeu. On a joué à deux en co-op, en fait. Puis ça marchait pas pantoute. Là, on se pilait dessus. On savait plus ce que l'autre faisait. Là, ça allait trop vite. Mais ouais, ça c'était très hot. C'était cool. Mon dernier jeu Genesis, Pulse Man, qui est jamais sorti. Pulse Man, ouais. En Amérique. C'est sur la virtuelle console, ça, par exemple. Ils l'ont mis sur la virtuelle console. Ils l'ont mis, man. Ah, man! Il faut l'essayer. Pas. Ouais, c'est ben un c'est fan. C'est ça, c'est comme Mega Man. Ouais, c'est vraiment comme Japon, Sonic, là. Mega Man mélangé. Ouais. Pulse Man est là. Nice. Vas-y, mon gars. Bonne nouvelle à soi. Ouais. Ben, moi, j'avais Streets of Rage. Ah, ben oui. Ils n'ont pas refait de Streets of Rage depuis. il doit en avoir sur Game Gear. Ouais. Je m'en rappelle plus. Mais suite à ça, il n'a pas eu c'est sur vrai, Dreamcast, hein? N'a pas eu sur Saturn, n'a pas eu nulle part. C'était tellement un bon beat'em up, c'est vrai ça, que bon. Ça mériterait au bout de se faire refaire. Vector Man, Vector. C'était pas mauvais. Mais c'est surtout à cause du bonhomme. T'sais, le bonhomme, il est plus. Ça fonctionne plus de non, nos jours. Non. De la manière qu'il était fait, c'était comme un peu bon. On peut pas faire un bonhomme en 3D qui se fait bouge des comme il peut, fait qu'on fait des billes dans les airs. Ouais. T'sais, mais tu sais, il pourrait parodier ça, genre, puis y aller là, all the way comme des malades. Là, ça pourrait être pas pire. Moi, il y a un shmup que j'aimais beaucoup au Genesis, c'est Thunder Force. Le 2, en fait, j'ai jamais joué au 3 ni même au 4. Mais je me demande si on refait ça ou ça a peut-être changé de nom. Mais il y a tellement de shmups sur le Genesis que moi, à un certain point, tu sais, je suis comme, ben, il y en a beaucoup des shmups, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Mm-hmm. Fait que... Ben, celui-là, il y a une place spéciale parce que c'est un des premiers que j'ai découvert en next-gen. Dans le fond, un de mes amis avait un Genesis puis il y avait ça puis ça me fascinait. Là, puis, tu sais, on jouait tout le temps à d'autres jeux, whatever, mais moi, tu sais, comme, on peut-tu jouer à Thunder Force? Il l'avait, mais il n'y avait pas ça. Tu sais, moi, j'aimais ça au bout. Sinon, moi, j'ai juste un autre jeu. J'en reste combien? Hein? J'ai dans 20? Autre, Non. Il m'en reste deux, puis une mention spéciale. OK. Ben, je vais aller avec le mien, dans le fond. Puis c'est un jeu qui est sorti au PlayStation. C'est Star Gladiator. Ouais. Puis c'est sorti aussi au Dreamcast. La suite, c'est Plasma Sword. C'est un jeu de fighting, de combat dans l'espace. C'est comme un peu avec des armes au laser. Ça ressemble un peu à Star Wars. C'est ton personnage principal qui est dans Marvel vs. Capcom, qui s'appelle Hayaso. C'est lui, là, dans le premier, qui a un épée laser. Genre de ninja. Pas ninja, mais un dos avec un épée laser, en tout cas. Fait que c'est lui, ça. Okay. Lui, c'est le personnage principal de son jeu, qui est Star Gladiator au PlayStation. C'est un des premiers jeux de fighting où est-ce qu'il y a. Le 3D était bien utilisé, tu sais. Okay. Comme 100 fois plus que Virtua Fighter. Ouais. Ouais, tu tournes en rond, puis tout, puis t'avais des combos, puis des counters, puis des attaques spéciales. L'histoire était quand même intéressante. Les personnages, il y en avait des très cheesy, il y en avait des super originaux. La suite Plasma Sword, c'était malade, tu sais. Ça bougeait tellement rapide au Dreamcast, c'était super bien fait. Oui. Puis cette série-là, a encore été abandonné totalement. Puis tout ce qui en reste, c'est la présence de Hayaso dans Marvel vs. Capcom 1. Où est-ce que tu dis encore « Ah, ils l'ont pas oublié! Oui. » Peut-être qu'à un moment donné, Capcom va s'enlever les doigts dans les yeux aussi, dans les oreilles, puis ils vont comprendre quelque chose. En tout cas, moi, j'ai joué à ça en malade, puis j'en ai encore aujourd'hui. D'ailleurs, là, c'est très, très bon. Nice! Moi, dans les autres, je m'en vais dans les arcades. J'ai trois jeux. Le premier, fucking Narc. Ouais. Narc, là, ça... il est tellement dû super à faire, là. Hey, ça passerait-tu aujourd'hui, ben, un jeu de main tellement violent? Ben, tirer du lance-roquettes dans des drogués? Ouais, ben, ah, ben oui! Oui, ben oui, certain! Fuck les drogues! Mais non, mais Narc, il y a eu un remake au PlayStation 2 qui était épouvantable. Ils ont comme essayé de faire un third-person shooter avec deux policiers. Il y avait comme un blanc puis un noir hyper stéréotypé là, qui ressemblait à Shaft. Puis ça marchait pas. C'était pas bon. Ouais, c'était pas la même affaire. On le reconnaissait plus. Ils ont tout perdu l'essence. T'sais, tu mets les sauts avec les casques puis tout le kit. Puis. La Porsche, tu sais, la Porsche qui fonce dans le monde puis dans les dumpsters, tu sais. Il n'y avait pas ça dans le nouveau. Il y avait la Porsche, mais il n'y avait pas l'essence. Non, c'est clair. Fait que ça, c'est bien important. Faudrait qu'il y ait aussi d'autres jeux faits en tournage réel comme Mad Dog McGree. Ça manque. Des jeux genre Laserdisc, là, ça manque vraiment. Night Trap. Oui, Night Trap. Night Trap. Night Trap. On a tellement ça dans la tête. Mais. Puis. Mon dernier... Ils devraient le faire, des jeux de même, là, ils devraient le faire en téléroman. Là, mettons le jeu de la galère. Eh oui, c'est ça. Le jeu Unité 9. Eh oui, 30 vies, ils te donnent une manette, là, puis là, tu joues comme « Ah, c'est qui le jeune qui vend de la dope? » Non, mais avoue, c'est parce qu'ils le font avec Walking Dead, dans le fond. T'sais, mais ben là, tu joues vraiment. Là, ben, ça, c'est pas pareil. Oui, mais moi, je joue vraiment. Toi, tu veux vraiment avec du vrai monde. Non, ouais, non, ça serait très du vrai monde, là. Puis là, genre, tu pèses quelque chose. Puis là, t'as comme un temps où l'image jam. Puis là, ça part à d'autres choses. Ça serait drôle. Ça serait cœur, hein. Québécois, mais. Eh oui. Excusez, avec les téléromans québécois, ça serait tordant. Là. Québécois, qu'est-ce que vous attendez? Ben oui, voyons. L'argent, il est là, qui veut se faire faire. Ben oui, là, vous voyez pas, deux gars qui trippent. Et mon dernier, non le moindre, dans lequel j'ai dépensé beaucoup de 25 sous et... que dire? Opération Wolf. Non. Ben, je sais pas. Spy Hunter. Ah non, il y en a eu des Spy Hunter. Il y en a un qui est dû, d'ailleurs, là, qui arrive. Ouais. Mais c'est quoi? Girls Panic. Ah! C'est pas ton jeu de déshabillage de filles? C'est mon jeu de déshabillage de filles. Il mérite vraiment d'avoir un nouveau Girls Panic. Puis il mérite surtout, à la limite, garder le même jeu, mais updater les photos. Ouais. Les photos, ça marche plus c'était vraiment. Vrais, c'était pas des dessins, là. C'était non, des vraies photos des vraies photos, filles. C'était là. Des photos kinky de vraies filles. OK. Mais kinky, là, on voit, ouais, on voit kinky des seins. 16 bits. Ouais. Mais on voit-tu des vagins ou. Non. Ah, c'est ça. Mais on voit des seins. Oui, on voit des seins. OK. C'est genre bleu nuit, là. C'est ça. C'est genre bleu nuit. C'est ça. C'est Girls Panic bleu nuit. Mais là, ça aurait besoin. Blue Nights. Ouais, Blue Nights. Ça serait. Là, ça aurait besoin d'être une version hardcore, là. Ouais. À la limite, tu vois de la porn dans le fond de Girls Panic. Puis t'es super gêné quand tu réussis ton tableau parce que c'est devant tout le monde à l'arcade. Il y a une famille qui passe en arrière. On va jouer à Spider-Man. Fait que moi, c'est mon ultime, je pense. Ah, Girls Panic, drôle. Je veux qu'il y ait un remake. Ah, écoute, en même temps, là, moi, ma liste, elle aurait pu s'étirer en malade. Là. J'avais juste du NES long, en tête, là, tu sais, mais... Mais ouais. Moi, je pense, celui-là, si je dois en choisir un seulement, là, auquel je tiens absolument, c'est Star Tropics. Ben, c'est lui qui c'est me revient aussi. Mon... C'est un petit peu incompréhensible comment est-ce qu'on n'a pas donné sa chance à cette série-là encore plus. T'sais. Mais oui. C'est vraiment un coït interrompu pour totalement. Faire le lien avec ton jeu de cul. Hey, t'es con, ça. Alors, c'est ainsi que se conclut ce 39e épisode de Rétro Nouveau. Qui, ma foi, s'étire sans qu'on s'en rende compte. Mais oui, quand on parle de jeux... Quand on a du plaisir, surtout à revenir dans nos jeux qu'on a aimés dans le temps. Mais... Fait que merci tout le monde pour vos réponses sur les médias sociaux. C'est très agréable de jaser avec vous. Mais... Puis on se revoit bientôt pour le 40e épisode. Et qu'est-ce qui se passe au 40e? Rien de spécial! Mais c'est déjà assez spécial de nous avoir... dans vos vies. Ben oui. Qu'on n'a pas besoin d'être plus spécial que ça. Ben non, c'est sûr et certain. Et voilà. Ouais. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.